tergiversation, dans plombe discussion oblitérante, traversant la tergiversation. Voilà. T'es comme ça. Discussion oblitérante. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est à peu près 21h et c'est actuellement le début de l'émission Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. En créant des mots bleutés, c'est voir la quiétude en pétrin. Avec ce soir, donc, de l'incompréhensible, encore une fois, et de l'incohérent. Espérons l'espoir. Car l'espoir, route. As laid down de merveille, on a trait d'inquiétude disproportionnée. Ainsi, un monde de merveille, voyons le ciel taché de sang, disproportionné, couvrant le toit des abysses. Voyons le ciel taché de sang, profondément, couvrant le toit des abysses, vicié, abîme profond, rempli profondément, outrageusement, vicié. Je suis pas seulement chez moi, puis, non, mon cramé, on ira pas chez moi, puis le casse. Mais tu voudras quand tu voudras. Les ailleurs comme d'autrement plus locales, on n'ira pas plus vivace, subvenir les autres comme d'autres gens du monde devenus démons, interloqués qu'ils sont venir sur leurs besoins du monde, alors que les interloqués qu'ils sont comme de ci-de, les obscures transmissions, les abats abattants, les horribles demeures de ci-de-là, restent à avoir l'attention suffisante, les horribles demeures développées. Sur les perceptions qui disent leur suffisante longueur pour développer en étant vrai. Sur les perceptions qui disent leur lourdeur dans l'estomac, qu'elle n'est pas manifeste. Là, il y a une lourdeur dans l'estomac. On ne veut pas parler. Ce lait. Les personnes les plus ignorantes et les plus grossières de la multitude, hommes et femmes, peuvent atteindre à cette science simple de se bien conduire. De tout infiniment, mais il n'est donné à personne. Même à ceux qui sont parvenus au plus haut degré de sainteté, d'atteindre à la perfection de cette science morale. Il reste toujours quelque chose d'inconnu, qui dépasse les plus nobles intelligences sur cette terre. Le ciel et la terre sont grands, sans doute. Cependant, l'homme trouve encore en eux des imperfections. C'est pourquoi le sage, en considérant ce que la règle de conduite morale de l'homme a de plus grand, dit que le monde ne peut la contenir. Et en considérant ce qu'elle a de plus petit, il dit que le monde ne peut la diviser. Comme entendement. Petit 3. Comme le livre des vers dit dans l'absolu. L'oiseau Johan s'envole jusque dans les cieux. Le poisson plonge jusque dans les abîmes. Comme sur une colline lointaine. Ce qui veut dire que la règle de conduite morale de l'homme est la loi de toutes les intelligences, qu'elle illumine l'univers dans le plus haut des cieux comme dans le plus profond des abîmes. L'entendement dangereux, petit absolu passion et merveille. La règle de conduite morale du sage a son principe dans le cœur de tous les hommes, d'où elle s'élève à sa plus haute manifestation pour éclairer le ciel et la terre de ses rayons éclatants. La ronde possibilité charnelle. Voilà le 12e chapitre. Il renferme les paroles du Tzu, destinées à expliquer le sens de cette expression du premier chapitre, où il est dit que l'on ne peut pas s'écarter de la règle de conduite morale de l'homme. Dans l'absolu. Dans les 8 chapitres suivants, Sun Tzu cite sans ordre les paroles de Kong Tzu pour éclairer ce même sujet. Traversée de débilitance, couverte. Chapitre 13. De Watt. Confucius a dit « La voie droite, gommée, ou la règle de conduite que l'on doit suivre, n'est pas éloignée des hommes. Gommée, si les hommes se font une règle de conduite éloignée d'eux, c'est-à-dire qui ne soit pas conforme à leur propre nature, elle ne doit pas être considérée comme une règle de conduite. » So what? Le livre des vers dit « L'artisan qui taille un manche de cognier sur un autre manche n'a pas son modèle éloigné de lui. Prenant le manche modèle pour tailler l'autre manche, il le regarde de côté et d'autre, et après avoir confectionné le nouveau manche, il les examine bien tous les deux pour voir s'ils diffèrent encore l'un de l'autre. De même, le sage se sert de l'homme ou de l'humanité pour gouverner et diriger les hommes. Une fois qu'il les a ramenés au bien, il s'arrête là. » Pour mieux recouler ensuite. Celui dont le cœur est droit pour bien commencer, et qui porte aux autres les mêmes sentiments qu'il a pour lui-même quoi que la voix ne s'écarte pas de la loi morale du devoir prescrit aux hommes par leur nature rationnelle. Quoi que la voix ronde, et bien même pas à moi. Il ne fait pas aux autres ce qu'il désire qui ne lui soit pas fait à lui-même. Mais pas à moi. La règle de conduite morale du sage lui impose quatre grandes obligations. Moi, je n'en puis pas seulement remplir complètement une. Ce qui est exigé d'un fils qui soit soumis à son père. Je ne puis pas même l'observer encore. De parfum, quoi ce qui est exigé d'un sujet, qu'il soit soumis à son prince. De parfum, La crème baleine. Je ne puis pas même l'observer encore. Senteur essentiel comme extrait. Ce qui est exigé d'un frère cadet, qu'il soit soumis à son frère aîné. Comme extrait. Je ne puis pas même l'observer encore. Ce qui est exigé des amis, qu'ils donnent la préférence en tout à leurs amis. Et quoi ? Je ne puis pas l'observer encore. Va y arriver. L'exercice de ses vertus constantes, éternelles, la circonspection dans les paroles de tous les jours, ne pas négliger de faire tous ses efforts pour parvenir à l'entier accomplissement de ses devoirs, ne pas se laisser aller à un débordement de paroles superflues, faire en sorte que les paroles répondent aux œuvres et les œuvres aux paroles. En agissant de cette manière, comment le sage ne serait-il pas sincère et vrai ? Voilà le 13e chapitre. Chapitre 14. L'homme qui s'est identifié avec la loi morale, en suivant constamment la ligne moyenne également éloignée des extrêmes, agit selon les devoirs de son état, sans rien désirer qu'il lui soit étranger. Est-il riche, comblé d'honneur ? Il agit comme doit agir un homme riche et comblé d'honneur. Est-il pauvre et méprisé ? Il agit comme doit agir un homme pauvre et méprisé. Est-il étranger d'une civilisation différente ? Et cette philosophie sur la paix perpétuelle, comme doit agir un homme étranger d'une civilisation différente ? Est-il malheureux, accablé d'infortune ? À la paix perpétuelle. Il agit comme doit agir un malheureux accablé d'infortune. Cette inscription satirique, tracée par un aubergiste hollandais en bas de l'enseigne où il avait été un peu. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, au pluriel ou au singulier. S'il est d'un rang supérieur, il ne tourmente pas ses inférieurs. Simplement le philosophe. S'il est dans un rang inférieur, il n'assèche pas de sollicitations basses et cupides, ce qui occupe un rang supérieur. Quoi qu'il en soit, il se tient toujours dans la droiture et ne demande rien aux autres. Alors la paix et la sérénité de son âme ne sont pas troublées. Il ne murmure pas contre le ciel et il n'accuse pas les hommes de ses infortunes. Autant de dédain qu'il a de complaisance. C'est pourquoi le sage conserve une âme toujours égale, à ses yeux, en attendant l'accomplissement de la destinée céleste. Dont les l'homme idées creuses qui est hors ne de sont la jamais de devoir, qu'un secours à l'État, se jette dans mille entreprises téméraires pour chercher ce qu'il ne doit pas obtenir. Or, le philosophe a dit n'est donc qu'un joueur l'archer peut-être, sous un certain point de vue, à qui l'on peut permettre au de faire de suite tout s'il s'écarte du but auquel sans il vit, avoir besoin de il rentre en lui-même pour en chercher la cause. Voilà l'usage. Voilà le 14e je l'accepte, il n'y a rien mais que l'homme dit daigne donc être conséquent, et si par hasard la voie morale il découvre dans cette brochure à la route des idées opposées aux siennes, qui doit commencer à ne s'imagine pas avoir quelques dangers pour l'État, elle peut aussi être dans des opinions hasardées à nuisance, l'émission de toutes les nuisances, soit un bon retour à Dawa parmi nous. Le livre des Verbes, une femme et des enfants qui aiment l'union et l'harmonie, par laquelle l'enseigne prétend expressément se prémunir. En bonne et due forme, quand les frères vivent dans l'union et l'harmonie, la joie et le bonheur règnent parmi eux. Première section. Si le bon ordre est établi dans votre famille, article votre femme et vos enfants seront heureux entre et les États. Voilà. Article 1. Confucius a dit « Quel contentement et quelle joie doivent éprouver un père et une mère à la tête d'une semblable famille ?» Qui permettent de recommencer la guerre. Voilà le 15e chapitre. Mais ne se trouve-t-il pas en effet, chapitre 16. Un tel traité ne serait qu'un armistice. Le philosophe a dit une suspension que les facultés des puissances la paix, du ciel et de la terre sont vastes et profondes. La paix, qu'on ne peut même appeler on cherche à les percevoir et on ne les entend pas. On cherche à les entendre le traité et on ne les entend pas. D'anéantir tout sujet de guerre, identifiés à la substance des parties contractantes. Elles ne peuvent en être séparées. Qu'on puisse se mettre plus tard elles à les exhumer dans tous les archives de la diplomatie. Les hommes purifient et sanctifient leur cœur, réservent se revêtent de leurs habits de fête pour offrir des sacrifices et des oblations à leurs ancêtres. Pour les produire ultérieurement, c'est un océan d'intelligence. Elles se seraient usées d'une restriction à notre droite. Réserve elle nous environne de toutes parts, qu'il convient de laisser le livre des Verdi des Jésuites. L'arrivée des esprits subtils ne peut être déterminée, à plus forte raison si on les néglige. D'avoir recours à ces calculs honteux. Ces esprits, cependant, quelques subtils qu'on et imperceptibles qu'ils soient, qui verra la se manifestent dans les formes corporelles des êtres. Mais, leur conformément étant pour une essence réelle, de la vraie, politique, elle ne peut pas se manifester sous une forme la gloire quelconque. De l'État à s'accroître voilà le 16e chapitre. Par des moyens quelconques, on ne peut ni voir ni entendre ces esprits subtils, évidemment c'est-à-dire qu'ils sont dérobés à nos regards par leur propre nature. en contrebas de la identifiés avec la substance des choses telles qu'elles existent, nul état, ils sont donc aussi d'un usage général. Ce qui est ici dans les trois chapitres qui précèdent celui-ci, ne pourra jamais être il est parlé de choses d'un usage restreint, ni par héritage, ni par les trois chapitres suivants, ni par achat, il est parlé de choses d'un usage général. Un état dans ce chapitre-ci, n'est pas il est parlé comme tout à la fois sur de choses d'un usage général, obscures et abstraites. C'est une société d'hommes qui seule peut disposer d'elle-même. Chapitre c'est une souche qui a ses racines propres. Le philosophe a dit, incorporer un état dans un autre état, grande, la piété comme le ferait de l'égresse. C'est le réduit, un saint par sa de la condition de personne morale fut la à l'état de chose, impériale. Ce qui contredit l'idée du contrat originel, quatre mères, sans lequel il offrit les sacrifices impériaux à ses enfants sur le temple qui leur était consacré. Chacun ses fils à quel danger le roi, conservèrent ses honneurs dans une seule partie du monde où cet abus se soit montré, c'est ainsi s'est vu exposé jusqu'à nos jours par suite de ce préjugé que les États peuvent s'épouser les uns les autres, nouvelle industrie par laquelle on acquiert au moyen de pacte de famille et sans aucun déploiement de force ou un excès de puissance ou un prodigieux accroissement de domaine. Par une conséquence du même principe, il le fait croître, il est interdit à tout État de mettre du trou à la solde d'un autre État contre un ennemi. Le livre des vers à tout que le prince qui gouverne ainsi, avec sagesse, c'est employer les sujets comme des choses dont on peut disposer de toute à son gré. Il traite, comme il le mérite, les magistrats et le peuple. Il tient ses les biens et sa puissance officielle. Il maintient la paix, tous, la tranquillité et l'abondance entièrement disparaître les richesses qu'il a reçues. Et le ciel les lui rend. En effet, ses armées étant toujours prêtes il est pour la dans par là que la grande vertu des sages leur fait obtenir pour le mandat du ciel pour gouverner les provoque à augmenter indéfiniment chez voilà eux le nombre des hommes armés. Ce chapitre tire son origine de la persévérance dans la voie droite, de la constance dans les bonnes œuvres. Plus onéreuse que ne le serait une il a été destiné à montrer fait même au degré leur dernier résultat. Des hostilités il fait voir par que les effets de la voie de devoir sont effectivement très étendus. D'ailleurs, et que ce par quoi recevoir une solde d'une nature tuée pour être cachée, c'est devenir instrument ou machine aussi dans la main d'autrui. On ne voit pas trop comment un tel usage, quel tiers, l'État fait des hommes, peut être compatible avec le droit absolu que la nature donne à chacun de nous sur sa propre personne. Il en est tout comprenant des exercices militaires entrepris volontairement et à des époques réelles par citoyens pour se mettre en état de garantir eux et leur personne des agressions du l'Europe. La thésaurisation, moyen de puissance militaire plus efficace peut-être que les armées de fils ou les alliances, c'est-à-dire pourrait produire le même effet que l'entretien de troupes réduites et considérer comme une menace des sacrifices impériaux à ses ancêtres dans le temple qui leur était consacré. Ses fils et ses petits-fils conservèrent les honneurs et sa puissance dans une suite exactement. La force du présent était déjà très avancée en âge lorsqu'il accepta le mandat du ciel et qu'il conférait l'Empire. On ne doit point contracter des dettes nationales vertueuses de Wan pour soutenir, au dehors, les intérêts des ancêtres. Il éleva Taiwang et Wanki au rang les de Wang qu'il n'avait pas possédé et il leur offrit les sacrifices selon le rite impérial. Ces rites furent étendus aux princes tributaires dans l'intérêt au rang de l'Empire revêtu de dignité. On les destine par exemple aux hommes du peuple à créer sans ou à réparer des grandes. Si le père avait été à grand empire et que le fils fut à établir des magasins, celui-ci faisait des funérailles à son père selon l'usage des grands de l'empire et il lui sacrifiait selon l'usage des lettres. Que pensez de ce système de crédit? Si son père avait été à l'état et que le fils fut à grand empire, de ce siècle, celui-ci faisait des funérailles à son père selon l'usage des lettres et lui sacrifiait selon l'usage des grands de l'empire. Sans qu'on ait à s'embarasser du remboursement. Parce le deuil que d'une année s'étendait ne l'exige jamais. Le deuil de trois années fois s'étendait jusqu'à l'empereur. Considéré comme le deuil du père et de la mère devait être porté trois années sans distinction de rang. Il était le même. C'est un trésor de guerre supérieur voilà à celui de tous les autres États pris ensemble. Et qui ne peut s'épuiser qu'à la longue par le déficit d'État, le philosophe a dit déficit qui ne menace que la journée, que la piété filiale de Wang et de Zhokong s'est par la réaction favorable du crédit. Cette même piété filiale fut heureusement suivre les intentions des anciens sages qui les avaient précédés et transmettre à la postérité le récit de leurs grandes entreprises. Qui semble y porter les hommes dès qu'ils en ont le pouvoir. À l'automne, ces deux princes décoraient avec soin le temple de leurs ancêtres. Ils disposaient soigneusement les vases et ustensiles anciens les plus précieux. À faire de l'abolition du nombre desquels étaient le grand sabre à fourreau de pourpre et la sphère céleste perpétuelle, ils exposaient au regard les robes et les différents vêtements des ancêtres, et ils leur offraient les mets de la saison, par laquelle plusieurs états étant ceux de la salle des ancêtres. C'est pour cette raison que les assistants étaient soigneusement placés à gauche ou à droite. Ces états sont donc, pour le moins, en droit de se liguer contre celui qui se permet de telles mesures. C'est pour cette raison que les hauts dignitaires étaient distingués du commun des assistants. Article 5. Les fonctions cérémoniales étaient attribuées à ceux qui méritaient de les remplir. Dans la Constitution, c'est pour cette raison que l'on savait distinguer les sages des autres hommes. Qu'est-ce qui pourrait s'en retirer de la cérémonie et la famille s'étant réunie dans le festin. I would welcome you amongst our voyages on the truth of the shitty world we live in. We'd like to know what that means, but we don't give a fuck either. Fuck you very much. Shit. Fuck shit. Shit. Cunt. Pussy wipe. Ass. Ass fucking. Pussy wipe. Shit. Cunt. Ass. Fuck the asshole, cunt, pussy wipe, fuck, in the shithead of my face, which is full of cum and jism. With my mongoloid attitude, I hate people, I'd rather be seeing them rot in hell, I'd like to see them die their hair green for all I care. Étaient ceux qu'ils employaient pour offrir des sacrifices à leurs prédécesseurs. Article 6. Celui qui sera parfaitement instruit des rites du sacrifice au ciel et du sacrifice à la terre, et qui comprendra parfaitement le sens du grand sacrifice quinquennal nommé Ti, quand il sera question et du grand sacrifice automnal nommé Chan, gouvernera aussi facilement le royaume que s'il regardait dans la pomme. Voilà le 19e chapitre. La violation d'une capitulation, Zhongyong, l'encouragement secret à la révolution, la variabilité dans le milieu, etc. Avertissement du docteur Ching. Ce sont là les stratagèmes déshonorants. Il faut qu'il reste, Ching même pendant la guerre, ce qui ne divise d'aucun côté est appelé milieu, Zhong. Autrement, ce qui ne change pas est appelé invariable. Yong. Et les hostilités dégénéreraient en une guerre et la droite voie. Ou la droite règle du monde. L'invariabilité en est la raison fixe. Mais au fond, que la triste ce livre comprend les règles de l'intelligence qui ont été transmises par les disciples de Kong à leurs propres disciples. Dans un petit-fils de Kong Zhu craignit que, dans la suite des temps, ces règles de l'intelligence ne se corrompissent. C'est pourquoi il les consigna dans ce livre pour les transmettre lui-même à. Comme autrefois, dans le jugement de Dieu, de quel côté est le bon droit. Au commencement de son livre, parle de la raison qui est une pour tous les hommes. Dans le milieu, il fait des digressions sur toutes sortes de sujets. Puisqu'entre eux, et à la fin, il revient sur la raison unique dont il réunit tous les éléments. Une guerre à outrance. S'étend-il dans des digressions variées, alors, parcours les 6 points fixes de l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nadir et le Zénith. Se resserre-t-il dans son exposition, alors, il se concentre et s'enveloppe pour ainsi dire. Dans les voiles du un mystère. Tas de bouffons de merde, je les encule. La tous, saveur de ce livre de est inépuisable. Je les baise. Tout est fou. Un tas de ces putains de putains de les enculer, merde, de chier, crever, les chiottes. Les enculer, ces enfants de chasse socialiste, ces putains de putains de cachots de merde, à chier, crever, savoir. Quand même, il ne s'agit que de Maxime Contratique. Il ne parviendrait pas à les faire mettre savoir que mes femmes n'y a pas d'issue. Chapitre 1er. Alors cela. Le mandat du ciel, ou le principe des opérations vitales et des actions intelligentes conférées par le ciel aux êtres vivants, s'appelle nature rationnelle. Le principe qui nous dirige dans la conformité de nos actions avec la nature rationnelle s'appelle règle de conduite morale, droite voie. Le système coordonné de la règle de conduite morale ou droite voie s'appelle doctrine de devoirs ou institution. La règle de conduite morale qui doit diriger les actions est tellement tout obligatoire qu'il peut s'en écarter d'un seul coup, un seul instant. S'il pouvait s'en écarter, ce ne serait plus une règle de conduite immuable. Nuisances, the world is over. We are all dead. We fuck each other in the asses. We butt fuck our mothers and fathers. come on their faces and see them die in rot and disgust and puke up their asses, fucking. I fuck myself in the ass, motherfuckers. La colère, la tristesse, que ce soit produit. We fuck each other in the heads. L'état dans lequel on se trouve s'appelle le milieu. We're all gonna die. Et qu'elle n'ont encore atteint qu'une certaine. Kill me. Kill me. Kill me. Ce milieu est la grande base fondamentale de notre. L'harmonie en est la loi universelle et carmanique. Lorsque le milieu est l'harmonie, shoot me down. Le ciel et la terre sont dans un état de tranquillité. I deserve to die. Tous les êtres reçoivent leur journée d'éveil. Dye my hair green for all I care once I'm dead. Fucking corpse, cadaver, blood, guts, everywhere. Du sang, de la morve, du mucus. Plein de mucus rectal, comme le humus dans mon fion. L'art n'est pas un moyen d'expression libre. Il est censuré par le langage qui se limite soi-même par l'art, partie composante partielle de la structure complète, l'âme, suce à l'âme. Qu'il cherche les principes qui y sont enseignés et s'y attache après les avoir trouvés. Suce à l'âme. Désir d'épraver des objets extérieurs et d'accomplir les actes de vertu que comporte leur nature originelle. Voilà ce que Yonchi appelait la substance nécessaire, le corps obligatoire du livre. Je suis déjà reconnaissante. Dans les 10 chapitres qui suivent, ce disque ne fait, pour ainsi dire, que les citations des paroles de son maître, destinées à corroborer et à compléter le sens de ce premier chapitre. Chapitre 2. Le philosophe conclut. L'homme d'une vertu supérieure persévère invariablement dans ce milieu. L'homme vulgaire, sans principe, est constamment en opposition avec ce milieu invariable. L'homme d'une vertu supérieure persévère sans doute invariablement dans le milieu. Par cela même qu'il est une vertu supérieure, il se conforme aux circonstances pour tenir le milieu. L'homme vulgaire et sans principe tient aussi quelquefois le milieu. Mais par cela même qu'il est un homme sans principe, il ne craint pas de le suivre témérément, tout et partout, sans se conformer aux circonstances. Voilà le second chapitre. Chapitre 3. Le philosophe Nietzsche disait que la limite de la persévérance dans le milieu est admirable. Il y a bien peu d'hommes qui sachent s'y tenir. Voilà le troisième chapitre. Chapitre 4. Petit 1. Le philosophe disait la voie droite n'est pas suivie. Tu connais la courbe. Les hommes instruits la dépassent. Des ignorants ne l'atteignent jamais. La voie droite n'est pas évidente pour tout en suivant. Les hommes d'une vertu forte vont au-delà. Ceux d'une vertu faible ne l'atteignent pas. Petite dose. De tous les hommes, il n'en est aucun qui ne boive et ne conduit. Mais bien peu d'entre eux savent discerner les saveurs. Voilà le chapitre 4. Chapitre 5. Le philosophe disait qu'il est à déplorer que la voie droite ne soit pas suivie. Voilà le chapitre 6. Ce chapitre se rattache au précédent, qu'il explique. Et l'exclamation sur la voie droite, qui n'est pas suivie, sert de transition pour relier le sens du chapitre suivant. Chapitre 6. Le philosophe disait que la sagesse et la pénétration de Chuan étaient grandes. Il aimait à interroger les hommes et à examiner attentivement dans lui-même les réponses de ceux qui l'approchaient. Il retranchait les mauvaises choses et divulguait les bonnes. Let's witch, witch. Let's witch each other dead. Let's witch each other dead. All the way down. Down. And satisfaction, voilà. Satisfaction, putrid, putrid this reaction. Fuck it. Fuck it, man. Fuck him. Can you hear yourself? Can you hear yourself? Do you hear yourself? Yeah, yeah. Yes, I can. It's better this way. Voilà le septième chapitre. Il y a parlé indirectement. Les Anglais. Il y a question de la sagesse des plus éclairés pour servir de transition sur chaque chose. Où vas-tu, beau geôlier, avec cette clé tachée de sang? Il choisit l'état de persévérance. Je vais délivrer celle que j'aime. S'il en est encore temps. Il s'y attachait fortement. Et que j'ai enfermé tendrement, cruellement, au plus secret de mon désir, au plus profond de mon tourment, dans les mensonges de l'avenir, dans les bêtises des serments. Je veux la délivrer. Je veux qu'elle soit libre. Et même de m'oublier, et même de m'en aller, et même de revenir, et encore de m'aimer, ou d'en aimer un autre, si un autre lui plaît, et si je reste seul, et elle est allée. Je garderai toujours, dans mes deux mains en creux, jusqu'à la fin des jours, la douceur de ses seins modelés par l'amour. Ça, c'est pour Jules. C'est à elle que s'attache les sables. Faire sa queue de lame de fer et les cuirasses de peau de belle sauvage. Contempler sans frémir les approches de la mer. Déséquilibré pour rééquilibrer. Et c'est à elle que s'attachent les bras. Cependant, que la force d'âme du sage les idées, avec les hommes, et le soleil, les cacher, les passions, et bien plus fort, et bien plus. Mais de manière qu'on les trouve. Que la force d'âme de celui qui la plus importante sera la plus cachée. Également éloignée des extrêmes, et bien plus forte, et bien plus grande. Que la force d'âme de celui lorsque ce pays est joué d'une bonne administration qui est sur le bras, ne se laisse pas encore aveugler par les sourds. Et bien plus forte et bien plus grande que la force. Si, sur l'écran, la mécanique disparaît, et si les phrases que tu leur as fait dire, les gestes que tu leur as fait faire, ne font plus qu'un avec tes modèles, avec toi, alors miracle. Le philosophe dit rechercher les principes des choses qui sont dérobées à l'intelligence, des actions extraordinaires qui paraissent en dehors de la nature de l'homme. Opérer des prodiges pour procurer des admirateurs et des spectateurs dans les siècles à venir. Voilà ce que je ne voudrais pas faire. It's gotta be something wrong. L'homme d'une vertu supérieure s'applique à faire la voie de l'homme. Gotta go down. Faire la moitié du chemin. All the way. Down to the shit. The big fucking shit. L'homme d'une vertu supérieure persévère naturellement dans la pratique. I want the shit. I choose to love the shit. Le cinéma sonore a inventé le silence. I fucked the shit. I fucked the big fucking shit. Up the ass. Like I do me. Tous les maris sont laids. Faites dans l'intention d'éclaircir le sens du premier chapitre. S'arrête. Et le lait incandescent. Foutre Dieu. Sacre bleu bite. De foutre. Fiante anale. Fiante anale. Trois vertus universelles. J'hésite pas. L'anal. J'hésite pas. C'est pourquoi ces vertus ont été traitées dans la première. Réorganiser les bruits inorganisés. Ce que tu crois entendre n'est pas ce que tu entends. D'une rue, d'une gare de chemin de fer, d'un aérodrome. Les reprendre un à un dans le silence et endoser le mélange. c'est la force d'un. Retouche du réel avec le réel. Modèle. Les échanges qui se produisent entre les images et les images, les sons et les sons, les images et les sons, donnent aux personnes, aux objets de ton film, leur vie cinématographique. Et par un phénomène subtil, unifie ta composition. Fais-toi homogène. Sois le premier à voir ce que tu vois comme tu le vois. La perfection de l'âme suppose la haute lumière de l'intelligence. La haute lumière de l'intelligence. Image. Suppose la perfection. Comme des modulations voilà de musique. Voilà le 22e chapitre, par lequel se dit à lui le sens du chapitre précédent à celui des chapitres suivants, par lequel il expose la doctrine de son être, concernant la loi du ciel et la loi de l'homme. Les 11 chapitres qui suivent renferment la parole de Dieu. Destiné à éclairer et à développer le sens de Dieu. Chapitre 22. Du moins le monde que les hommes souverainement respectent qui puissent connaître à fond leur propre nature. Fuck my ass. Fuck it. Fuck my ass. Please fuck my ass. Pour connaître à fond leur nature et les devoirs qui en dérivent, ils peuvent, par cela même, connaître à fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et leur enseigner tous les devoirs qu'ils ont à observer pour accomplir le mandat du ciel. Devant connaître à fond la nature des autres hommes, la loi de leur être. I'm gonna play Steingrabber now. I'm gonna play with my Steingrabber. I gotta grab my Stein. My Stein's gotta be grabbed, man. I gotta grab my Stein, my Steingrabber. I love to grab my Stein. Ich habe Einstein. Pour le culo. Au moyen de leurs facultés d'intelligence supérieure, aider le ciel et la terre dans les transformations et l'entretien des hommes, pour qu'ils prennent sur leur complet dévotion. Pouvant aider le ciel et la terre dans les transformations et l'entretien des êtres, ils peuvent par cela même constituer un troisième pouvoir avec le ciel et la terre. Voilà le 22e chapitre. Il y est parlé de la loi du ciel. Chapitre 23. Ceux qui viennent immédiatement après ces hommes souverainement parfaits par leur propre nature sont ceux qui font tous leurs efforts pour rectifier leurs penchants détournés du bien. Ces penchants détournés du bien peuvent revenir à l'état de perfection. Étant arrivés à l'état de perfection, alors ils produisent des effets extérieurs visibles. Ces effets extérieurs visibles étant produits, alors ils se manifestent. Étant manifestés, alors ils jetteront un grand éclat. Ayant jeté un grand éclat, alors ils émouvront les cœurs. Ayant ému les cœurs, alors ils opéreront de nombreuses conversions. Ayant opéré de nombreuses conversions, alors ils effaceront jusqu'aux dernières traces du vice. Et incorruptible, n'a pas soi-même il n'y a dans le monde que les hommes souverainement parfaits qui puissent être capables d'effacer ainsi les dernières traces du vice dans le cœur des hommes. En effet, tout cela voilà le 23e chapitre. Il y est parlé de la loi de l'homme. Avec nous. Car ce qui est dissous est chapitre 24. Et ce qui est insensible, les facultés de l'homme souverainement parfait sont si puissantes qu'il peut, par leurs moyens, prévoir les choses à venir. L'élévation des familles royales s'annonce assurément par deux représages. Et là où se la chute des dynasties s'annonce assurément aussi par de funestes présages. Ce qui est ces présages heureux ou funestes se manifestent dans la grande herbe nommée Chi, sur le dos de la tortue, dans la chair, et excitent en elle de tels mouvements qu'ils font frissonner ses quatre membres. En effet, sa pointe quand des événements heureux ou malheureux sont prochains, l'homme souverainement parfait prévoit avec certitude s'ils seront heureux. Il prévoit également avec certitude s'ils seront malheureux. C'est pourquoi l'homme souverainement parfait ressemble aux intelligences surnaturelles. Voilà le 24e chapitre. Il n'est pas possible de vivre. Il y est parlé de la loi du ciel. Et il n'est pas possible chapitre 25. De façon bonne et juste, le parfait est par lui-même parfait absolu. Pas des moyens de vivre de la loi du devoir est par elle-même loi du devoir. Celui-là ne peut pas le vivre avec plaisir. Le parfait est le commencement et la fin de tous les êtres. Sans le parfait ou la perfection, les êtres ne seraient pas. C'est pourquoi le sage estime cette perfection au-dessus de tout. L'homme parfait ne se borne pas à se perfectionner lui-même et s'arrêter ensuite. C'est pour cette raison qu'il s'attache à perfectionner aussi les autres êtres. Se perfectionner soi-même est sans doute une vertu. Perfectionner les autres êtres est une haute science. Ces deux perfectionnements sont des vertus de la nature ou de la faculté rationnelle pure. Réunir le perfectionnement extérieur et le perfectionnement intérieur constitue la règle du devoir. C'est ainsi que l'on agit convenablement selon les circonstances. Voilà le 25e chapitre. Il y est parlé de la loi de l'homme. Chapitre 26. C'est pour cela que l'homme, souverainement parfait, ne cesse jamais d'opérer le bien ou de travailler au perfectionnement des autres hommes. Ne cessant jamais de travailler au perfectionnement des autres hommes, alors il persévère toujours dans ses bonnes actions. Persévérant toujours dans ses bonnes actions, alors tous les êtres portent témoignage de lui. Tous les êtres portant témoignage de lui, alors l'influence de la vertu s'agrandit et s'étend au loin. Étant agrandie et étendue au loin, alors elle est vaste et profonde. Étant vaste et profonde, alors elle est haute et resplendissante. La vertu de l'homme souverainement parfait est vaste et profonde. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de contribuer à l'entretien et au développement des êtres. Elle est haute et resplendissante. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de les éclairer de sa lumière. Elle est grande et persévérante. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de contribuer à leur perfectionnement et de s'identifier par ses œuvres avec le ciel et la terre. Les hommes souverainement parfaits, par la grandeur et la profondeur de leur vertu, s'assimilent avec la terre. Par sa hauteur et son éclat, ils s'assimilent avec le ciel. Par son étendue et sa durée, ils s'assimilent avec l'espace et le temps sans limite. Celui qui est dans cette haute condition de sainteté parfaite ne se montre point. Et cependant, comme la terre, il se révèle par ses bienfaits. Il ne se déplace point. Et cependant, comme le ciel, il opère de nombreuses transformations. Il n'agit point. Et cependant, comme l'espace et le temps, il arrive au perfectionnement de ses œuvres. La puissance ou la loi productive du ciel et de la terre peut être exprimée par un seul mot. Son action dans l'un et l'autre n'est pas double, c'est la perfection. Mais alors sa production des êtres est incompréhensible. La raison d'être ou la loi du ciel et de la terre est vaste en effet. Elle est profonde, elle est sublime, elle est éclatante. Fuck us. Fuck the shit. Croissant à sa surface, des oiseaux et des quadrupèdes. There's something wrong going on here. Something very wrong. Et cette eau que nous apercevons de loin nous semble pouvoir à peine remplir une coupe légère. Mais si nous parvenons à sa surface, nous ne pouvons en sonder la profondeur. Des énormes tortues, des crocodiles, des hydres, des dragons, des poissons de toute espèce vivent dans son sein. Des richesses précieuses y prennent naissance. Et ce qui amène le livre des vers dit, il n'y a que le mandat du ciel dont l'action éloignée ne cesse jamais. Voulant dire par là que c'est cette action incessante qui le fait le mandat du ciel. Il faut s'appliquer à raisonner sur la fin. Comment n'aurait-elle pas été éclatante la pureté de la à laquelle nous ramenons les autres. Voulant aussi dire par là que c'est par cette même pureté de vertu qu'il fut ou en, car elle ne s'éclata jamais. Voilà si tu combats toutes les sensations, tu n'auras même plus ce à quoi tu te réfères pour juger celle d'entre elles que tu prétends être erronée. Oh, que la loi du devoir de l'homme sain est grande. C'est un océan sans rivage. Si tu rejettes purement et simplement une sensation donnée, et si tu ne divises pas ce sur quoi l'on forme une opinion en ce qui est attendu et ce qui est déjà présent sous la sensation, les affections et toute appréhension imaginative de la pensée, tu iras jeter le trouble jusque dans les autres sensations avec une opinion vaine. Et cela t'amènera à rejeter en totalité le critère. Mais si tu établis fermement dans les pensées qui aboutissent à une opinion, aussi bien tout ce qui est attendu que tout ce qui n'a pas de confirmation, tu ne renonceras pas à l'erreur, si bien que tu auras supprimé toute possibilité de discuter, ainsi que tout jugement, sur ce qui est correct et incorrect. Si en toute occasion, tu ne rapportes pas chacun de tes actes à la fin de la nature, mais tu te détournes, qu'il s'agisse de fuir ou de poursuivre, vers quelque autre chose, tu n'accorderas pas tes actions avec tes raisons. Parmi les désirs, tous ceux qui ne reconduisent pas à la souffrance s'ils ne sont pas comblés, ne sont pas nécessaires. Mais ils correspondent à un appétit que l'on dissipe aisément, quand ils semblent difficiles à assouvir ou susceptibles de causer un dommage. Parmi les choses dont la sagesse se munit en vue de la félicité de la vie tout entière, de beaucoup la plus importante est la possession de l'amitié. C'est le même jugement qui nous a donné confiance en montrant qu'il n'y a rien d'éternel, ni même d'une longue durée à redouter, et qui a reconnu que la sécurité de l'amitié, dans cela même qui a une durée limitée, s'accomplit au plus haut point. Parmi les désirs non nécessaires, les uns sont naturels et non nécessaires. Les autres ne sont ni naturels ni nécessaires. J'ai rien compris. Mais proviennent d'une opinion vide, d'une opinion vide, d'une opinion vide, d'une opinion vide, d'une opinion vide, d'une opinion vide, d'une opinion vide. J'ai rien compris. D'une opinion vide. Je m'encule, j'en ai rien à foutre. D'une opinion vide. D'une opinion. La merde, c'est moi. D'une opinion vide. Je suis la merde. Le philosophe a dit, l'homme ignorant et sans vertu. Parmi les désirs naturels qui. L'homme sans fonction publique. Parmi les désirs naturels qui. L'homme né dans le siècle est soumis aux lois de ce siècle, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes. Parmi les désirs naturels, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes. Parmi les désirs naturels, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes. Qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, parmi les désirs naturels, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes, parmi qui retourne à la pratique des lois anciennes, qui retourne à la pratique des lois anciennes. I've got to fuck myself in the ass every fucking night. I won't be happy if I don't do it. Qui retourne à la pratique des lois anciennes, parmi qui retourne à la pratique des lois anciennes. Qui retourne à la pratique des lois anciennes. Parmi les désirs naturels. Qui retourne à la pratique des lois anciennes. Qui retourne à la parmi les des lois naturelles. Qui retourne à la pratique des lois. T'as quelque chose au moins? Parmi les retourne à la pratique. J'ai qu'une voix, la voix gauche. Ah, prends un autre casque. Parmi les désirs naturels. Qui retourne à la pratique des lois anciennes. Qui retourne à la pratique des lois anciennes. Qui retourne à la pratique des lois anciennes. Parmi les retourne à la pratique des lois anciennes. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ah ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parfait. Mais j'ai que la voix droite là. Ou alors, attends, j'ai. C'est bizarre. Laisse-moi regarder. Non, je comprends pas. Tout est bien. Bon, bah écoute, hein, nous serons en mono. Voilà. Immense et rouge. Excuse-moi. Pardonne-moi. C'est rien. Immense et rouge, au-dessus du grand palais. Le soleil d'hiver apparaît et disparaît, comme lui mon cœur va disparaître et tout mon sang va s'en aller à ta recherche, mon amour, ma beauté, et te trouver là où tu es. Qui retourne à la pratique des lois anciennes, parmi les retourne à la pratique des lois anciennes, dans les mains, qui retourne à la dans les manèges du mensonge, qui retourne à la le cheval rouge de ton sourire, qui retourne à la pratique des lois anciennes, tourne, parmi qui retourne à la pratique, et je suis là debout planté, avec le triste fouet de la réalité, et je n'ai rien à dire. Qui retourne à la ton sourire est aussi vrai que mes quatre vérités. parmi tombés en désuet, qui ne rabolissent pas à la souffrance, et tous ceux qui agissent d'une semblable manière doivent s'attendre à l'ardeur de grands mots. Sont les désirs qui naissent, excepté le Fils du ciel. Ou celui des draps blancs dans une armoire, des draps rouges dans un lit, un enfant dans sa mère dans les douleurs, le père dans le couloir dans la maison, la maison dans la ville dans la nuit, le mort est un cri, et l'enfant dans la vie. La porte que quelqu'un ouvre, la porte que quelqu'un a refermée, la chaise où quelqu'un s'est assis, le chat que quelqu'un a caressé, le fruit que quelqu'un a mordu, la lettre que quelqu'un a lue, la chaise que quelqu'un a renversée, la porte que quelqu'un a ouverte, la route que quelqu'un coupe encore, le bois que quelqu'un traverse, la rivière où quelqu'un se jette, l'hôpital où quelqu'un est mort. Kill me, kill me. Heureux comme la truite remontant le courant, heureux le cœur du monde et son jet d'eau de sang, heureux le limonaire hurlant dans la poussière de sa voix de citron, un refrain populaire sans rime ni raison. Heureux les amoureux sur les montagnes russes, heureuse la fille rousse sur son cheval blanc, heureux le garçon brun qui l'attend en souriant, heureux cet homme en deuil, debout dans sa nacelle, heureuse la grosse dame avec son cerf-volant, heureux le vieil idiot qui fracasse la vaisselle, heureux dans son carrosse un tout petit enfant, malheureux le conscrit devant le stand de tir, visant le cœur du monde, visant leur propre cœur, visant le cœur du monde, pas une autorité suffisante. En éclatant de rire. Parce que l'éloignement des temps qui ne permet pas d'établir convenablement leur authenticité habituelle des hommes, manquant d'authenticité, elles ne peuvent obtenir la confiance du peuple. Le peuple ne pouvant accorder une justice suffisante aux hommes qui les ont écrits, mais si l'on est un homme entre chez une fleuriste et choisit les fleurs. Et même n'obtiennent pas le respect, la fleuriste enveloppe les fleurs. L'homme met la main à sa poche pour chercher l'argent. L'argent pour payer les fleurs. Mais il met en même temps, subitement, la main sur son cœur. Et il tombe. En même temps qu'il tombe, l'argent roule à terre. Et puis les fleurs tombent. En même temps que l'homme, en même temps que l'argent. Et la fleuriste reste là, avec l'argent qui roule, avec les fleurs qui s'abîment, avec l'homme qui meurt. Ah, fuck me, fuck. Évidemment, tout cela est triste. Il faut qu'elle fasse quelque chose, la fleuriste. Mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas par quel bout commencer. Il y a tant de choses à faire avec cet homme qui meurt, ces fleurs qui s'abîment, et cet argent qui roule, qui n'arrête pas de rouler. C'est Nuisance sur Canal Sud 92.2. 92.2 FM. FM, c'est mon... c'est les comment ? FME. C'est les acronymes de mon nom et de mon prénom. Frédéric c'est pas les Mitch. On dit pas ça, c'est pas les acronymes en fait, je les connais. Friedrich Mitch. Friedrich Mitch. Mitch. Mitch. Mitch. Mitch, Mitch, Mitch, Mitch. T'as dit FN ou FM ? Attends, fais gaffe hein. Oh, FN, FN, ah, FN, non, FN. FM, FM, mec. Non, non, pas vive FM. Vive le FN, vive le FN. 92.2 FM, pas 92.2 FN. Non, non, tu te trompes, mec. Écoutez, pour tous ceux qui vont en boîte là, à cet instant précis, allez vous faire déboîter. Fuck me, fuck me. Je vous précise que ce que je lisais et que je vais continuer à lire, c'est de JP. JP Yeman. Non, non, pas JP Yeman. Ah, pardon. JP le vrai. Avec JC, Jésus-Christ. C'est pas comprendre avec JPS, Jean-Paul Sartre ou SDB pour salle de bain, Simone de Beauvoir. Ouais, d'accord. C'est cool. Vive le capitalisme! Anal scud. Vive la merde, vive la France, vive le roi. Yeah, oh yeah, this is fun. Fuck me. Thank you. What a fucking nuisance. It's nuisances, nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. S'encule elle-même. C'est beau, l'amour, le soi, le courage, l'assurance, l'insurance, merde, j'ai dit n'importe quoi, l'assurrection, merde, j'ai dit encore n'importe quoi, que j'aille me faire foutre. Down, down, forever. It's never gonna stop. It's hell already. We're going down, down, down forever. It's never gonna stop. We're down already. We're done. We're done. We're done with ourselves. We're done. We're done. We're done with ourselves. We're done. We're done. We're down with ourselves. We're down. We're down. We're down with ourselves. We're downing ourselves. We're drowning. We're drowning. We're fucking each other in the ass. We're drowning in love and hate and blood and anguish and mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Mucus. Qu'est-ce que tu dis? Sio Mantalis. Qu'il convient de laisser à la casuistique des jésuites. Il est indigne des souverains et de leur ministre d'avoir recours à ces calculs. Tu ne tueras point. Quand on exécute, suivant les formes de la justice des rois, Charles Ier, Louis XVI, Maximilien du Mexique, Maximilien du Mexique, Maximilien du Mexique, Maximilien du Mexique. On fait ou quand on les égorge lors d'une révolution de peau, Pierre III, Paul Ier, divers sultans, Pierre III, Paul Ier, divers sultans, chat et empereur de Chine, ce sont là des faits qu'on passe généralement sous silence. Mais lorsqu'on les supprime sous l'appareil de la justice et non pendant les révolutions de cour, yeah, justice, divine justice, Alexandre II, l'impératrice d'Autriche, le chat de Perse, et récemment le roi Humbert, ces meurtres provoquent parmi les empereurs, les rois, les entourages, l'indignation et la surprise générale comme si ces souverains eux-mêmes ne participaient pas des assassinats, n'en profitaient pas, ne les ordonnaient pas. C'est une société d'hommes qui pourtant, seul peut disposer. Les rois assassinés, même les meilleurs, comme Alexandre II et Humbert, étaient auteurs ou complices du meurtre des milliers de milliers d'hommes qui périrent sur les champs de bataille. Quant aux souverains mauvais, c'est par centaines de mille et par millions qu'ils ont fait périr les hommes. La doctrine du Christ abolit la loi œil pour œil, dent pour dent. Mais les hommes qui professaient toujours cette loi et qui s'y conforment, aujourd'hui encore, l'appliquent dans des proportions effrayantes sous forme de châtiments isolés ou s'exterminent pendant les guerres et ne rendent pas seulement œil pour œil, mais sans aucune provocation ordonnent l'assassinat de milliers d'êtres. Ces hommes n'ont pas le droit de s'indigner. On leur applique cette loi à leur tour, et dans une proportion aussi infime qu'on compterait à peine un empereur ou un roi sur 100 000, peut-être 1 million d'individus tués par l'ordre ou avec leur consentement. De mettre des troupes à la solde d'un autre état. Loin de s'indigner du meurtre d'un Alexandre II ou d'un Humbert, les souverains doivent plutôt s'étonner de ce que ces assassinats soient si rares. En raison de l'exemple constant et universel qu'ils en donnent eux-mêmes. Les masses populaires sont comme hypnotisées. Elles ne comprennent pas la signification de ce qui se passe devant elles. Elles voient les monarques ou les présidents se préoccuper constamment de la discipline militaire, des revues, parades et manœuvres auxquelles ils assistent et dont ils tirent vanité. Des hommes accourent en foule pour voir leurs frères affublés de vêtements bigarrés et brillants, transformés en machines, qui au son des tambours et des trompettes et au commandement exécutent simultanément un même mouvement sans en comprendre la signification. Cette signification est pourtant simple et claire. Ce n'est autre chose que la préparation à l'assassinat. C'est l'abrutissement des hommes pour en faire des instruments de meurtre. C'est l'occupation favorite et vaniteuse des seuls empereurs, rois et présidents. Or, ce sont eux qui, devenus les professionnels de l'assassinat, qui portent des uniformes militaires et des instruments de meurtre, ce sont eux qui s'indignent lorsque l'on tue l'un d'entre eux. L'assassinat des souverains, tel celui tout récent du roi Humbert, n'est pas horrible par la cruauté du fait lui-même. Les actes commis dans le passé par les rois et empereurs, la Saint-Barthélemy, les guerres de religion, la répression impitoyable des révoltes des paysans, autant que les exécutions gouvernementales actuelles, le martyre subi dans les prisons cellulaires et les compagnies de discipline, la pendaison, la guillotine, la fusillade et le carnage pendant les guerres, ne sauraient par leur cruauté être comparés aux attentats commis par les anarchistes. Les crimes des anarchistes ne sont pas précisément effrayants, parce que ceux qui en sont victimes n'ont pas mérité leur sort. Si Alexandre II ou Humbert n'ont pas mérité d'être assassinés, les milliers de Russes qui ont péri sous Plevna et d'Italiens en Abyssinie l'avaient encore moins mérité. Si les meurtriers des rois agissent sous l'influence d'une indignation personnelle provoquée par les souffrances d'un peuple opprimé, ce dont ils jugent coupable un Alexandre, un Carnot ou un Humbert, ou s'ils agissent par un sentiment de vengeance, leurs actes, aussi moraux qu'ils soient, sont compréhensibles. Mais une question se pose. Comment les anarchistes ne peuvent-ils imaginer rien de mieux pour améliorer le sort des peuples que l'assassinat d'hommes dont la disparition est aussi vaine que si l'on coupait la tête à ce monstre fabuleux sur lequel une nouvelle tête repoussait à la place de l'ancienne? Alors à quoi bon les tuer? Il suffirait de se remémorer que la même oppression, les mêmes guerres ont eu lieu de tout temps, sous n'importe quel chef de gouvernement, Nicolas ou Alexandre, Frédéric ou Guillaume, Napoléon ou Louis, Palmerston ou Gladstone, Mark Kinley ou tout autre, et l'on comprendrait que ce n'est nullement tel ou tel chef qui est spécialement cause des fléaux dont souffrent les peuples. Ces fléaux sont la conséquence d'une organisation sociale unissant tellement tous les membres de la société que tous subissent le joug de quelques hommes, le plus souvent d'un seul, et qui sont à tel point pervertis par leur pouvoir monstrueux, mettant sous leur direction la vie de millions d'individus, qui se trouvent comme dans un état morbide et sont possédés de la manie des grandeurs, ce dont on ne s'aperçoit pas, uniquement en raison de leur haute situation, dès leur enfance et jusqu'à la tombe. Ces hommes sont environnés d'un luxe effréné et vivent dans une atmosphère de mensonges et d'hypocrisie qui l'accompagne. Leur éducation, toute leur activité n'ont qu'un but, l'étude des circonstances dans lesquelles furent commis les assassinats dans le passé, des meilleurs procédés de meurtre à notre époque et de la préparation de ces meurtres. Ils ne cessent de porter sur eux les instruments de la destruction, sabres ou épées. Ils s'affublent de toutes sortes d'uniformes, font passer des revues et des parades, se font des visites dans la Constitution, ni dans le gouvernement et des présents de sous forme de décorations ou de titres militaires. Et non seulement personne n'appelle de son véritable nom ce qu'ils font, ne leur dit qu'il est odieux et criminel de se préparer à l'assassinat, mais ils reçoivent encore des encouragements et des félicitations à chacune de leurs sorties, à toute revue de troupes qu'ils passent. Une foule enthousiaste les suit, et ils croient que c'est le peuple tout entier qui approuve leur conduite. Il en serait autrement. Les seuls journaux qu'ils lisent et qui leur semblent l'expression des sentiments de toute la nation ou de ses meilleurs représentants exaltent de la façon la plus servile leurs paroles et leurs actes, si stupides et si mauvais qu'ils soient. Dans la constitution de cet état anarchique, leur entourage, tant hommes que femmes, prêtres et laïcs, tous ceux qui font bon marché de la dignité humaine cherchent à l'envie à les encourager par la flatterie la plus raffinée, à les tromper sans leur laisser la possibilité de s'apercevoir du mensonge qui entoure leur existence. Contre des maux intérieurs. Ils peuvent vivre 100 ans et ne jamais voir un seul homme réellement libre, qui rendrait n'entendre jamais la vérité. Parfois on frémit d'horreur en écoutant leurs paroles et en voyant leurs actes. Mais si l'on réfléchit un instant à leur situation, on comprend qu'à leur place, tout autre agirait de même. Un homme sensé qui se trouverait dans cette position ne saurait prendre raisonnablement qu'un seul parti, s'en aller. S'il demeurait, il ferait comme eux. La violation d'une capitulation. On se demande en effet ce qui doit se passer dans la tête d'un Guillaume, homme borné, d'instruction médiocre, vaniteux et n'ayant d'idéal que celui d'un hobereau allemand. Lorsque chacune de ces bêtises ou de ces vilainies est saluée par un « oh » d'enthousiaste et commentée par la presse universelle comme un événement de haute importance, et les hostilités. S'il dit que, sur un signe de lui, ses soldats doivent tuer jusqu'à leur père, on crie « Hourra !» s'il dit que l'évangile doit être répandu à coups de poing, gantés de fer, hurrah, hurrah! Encore s'il ordonne aux troupes qu'il envoie en Chine de ne pas faire quartier, et au lieu de l'enfermer dans une maison de correction, on vogue vers la Chine pour exécuter ses ordres. Ou bien c'est Nicolas II, de nature pourtant modeste, qui commence son règne en déclarant à des anciens hommes vénérables que leur désir de gérer leurs propres affaires comme ils l'entendent n'est qu'un rêve insensé. Et les journaux qu'ils lisent, les hommes qu'ils voient, l'approuvent et exaltent ses vertus. Ne saurait se concevoir entre il propose un projet de désarmement universel, enfantin et illusoire, et en même temps, il augmente le nombre de ses soldats. Pourtant, on ne tarit pas d'éloges sur sa sagesse et sur ses vertus. Il offense et martyrise, sans nulle raison et sans la moindre nécessité, tout un peuple, les Finlandais. Et il n'en est pas moins loué. Il organise enfin un carnage insensé en Chine, et cela en opposition avec son propre projet de paix universelle. Et pourtant, on vante de toutes parts et son triomphe sanguinaire et sa fidélité à la politique pacifique de son père. Aussi doit-on se demander ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de ces hommes. Après la guerre. On peut dire que l'oppression des peuples et l'iniquité des guerres ne sont faites ni des Alexandres, ni des Guillaume, ni des Humbert, ni des Nicolas qui organisent ces meurtres, mais bien de ceux qui les ont placés et les maintiennent dans la position des dispensateurs de la vie humaine. Aussi, ne sert-il de rien de tuer des Alexandres, des Nicolas, des Guillaume et des Humbert? Cependant, quelques-unes qui sont. Il faut simplement cesser de soutenir l'organisation sociale qui les engendre. Or, le régime actuel n'est maintenu que grâce à l'égoïsme et à l'abrutissement des hommes qui vendent leur liberté et leur honneur en échange de mesquins avantages matériels. Telle est la conduite des hommes qui sont placés sur les degrés inférieurs de la hiérarchie sociale, en partie parce qu'ils sont abrutis par une éducation faussée, et en partie en raison de leur intérêt personnel, mais au bénéfice de ceux qui sont placés à un degré supérieur. De même agissent ceux qui se trouvent à un degré plus élevé de la société, pour les mêmes causes, en vue des mêmes avantages. Et au bénéfice de ceux qui sont placés encore plus haut. Entièrement de vue. Et de aussi atteint-on les plus hauts degrés de l'échelle sociale jusqu'aux personnes ou à la personne qui se trouve au sommet du cône et qui n'ont ou qui n'a plus rien à acquérir. Pour ceci, l'unique motif d'agir est l'ambition et la vanité. Ils sont à ce point abrutis et corrompus par leur pouvoir discrétionnaire sur leurs semblables, par la courtisanerie et l'hypocrisie de leur entourage, que tout en faisant le mal, ils sont absolument convaincus de leur rôle de bienfaiteur de l'humanité. Ce n'est pas l'enfer, c'est nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM et non FN ou canalsud.net sur le www. Téléphone le 05 61 53 36 95. Je répète, téléphone. Le 05 61 53 36 95. Une petite précision, il vous faut iTunes pour pouvoir écouter Canal Sud sur le canalsud.net et non le plugin VLC. Ils semblent en être les fondateurs. Du moins, toujours. Et pour qu'on cesse de les tuer, il suffirait de peu. Je voudrais également préciser que mon fion est collant de merde. et que la puanteur qui se dégage de mon sphincter tendu, sous-tendu, rappelle le doux relent d'un rat crevé dans l'assiette de ma glette canard laquée à la niçoise. Comme le lui font croire ses courtisans, mais au contraire nuisible et honteuse, que tout honnête homme comprenne que le paiement de l'impôt affecté à l'entretien et à l'armement des soldats, et plus encore, que servir personnellement dans l'armée ne constitue pas un acte indifférent, mais bien immoral et honteux. Et aussi beau l'arbitraire des empereurs, rois et présidents, qui nous indigne tant et qui provoque leur assassinat, disparaîtra de lui-même. Il ne sert donc de rien de tuer les Alexandres, les Carnot, les Humbert et autres. Ce qu'il faut, c'est les convaincre qu'ils sont eux-mêmes assassins, mais surtout ne pas leur permettre de tuer ou refuser de tuer sur leur ordre. En tant que les hommes, si les hommes n'agissent pas encore ainsi, c'est simplement parce que les gouvernements, mus par l'instinct de la conservation, les maintiennent dans un état d'hypnose. C'est pourquoi il faut chercher à empêcher les meurtres auxquels se livrent les chefs d'État, et à mettre un terme aux tueries entre les peuples, non par d'autres assassinats, car au contraire ils ne font qu'accroître l'hypnose, mais en provoquant le réveil qui détruira cette hypnose. C'est ce que j'ai tenté de faire dans ce court article. Vous verrez renaître l'état de guerre, dont la question est précisément de nous délivrer. Premièrement, avec la liberté qui doit appartenir à tous les membres d'une société en leur qualité d'homme. Deuxièmement, avec l'égale soumission de tous à une législation commune comme sujet. Troisièmement, enfin, avec le droit d'égalité qui appartient à tous et à chacun comme membre de l'État. Il n'y a donc que cette Constitution qui, relativement au droit, puisse servir de base primordiale à toute Constitution civile. Reste à savoir si elle est aussi la seule qui puisse amener la paix perpétuelle. Or, quand j'examine la nature de cette Constitution, je trouve, outre la pureté de son origine, qui se confond avec l'idée même du droit, elle est la seule qui puisse nous faire espérer une pacification permanente. Voici pourquoi et comment. Suivant cette Constitution, il faut que chaque citoyen concourt par son assentiment à décider la question si l'on fera la guerre ou non. Or, décréter la guerre, n'est-ce pas pour des citoyens décréter contre eux-mêmes toutes les calamités de la guerre, savoir la nécessité de combattre en personne, l'obligation de fournir de leurs deniers propres aux frais de la guerre, la charge de réparer péniblement les dévastations qu'elle cause, et, pour comble de maux, de supporter finalement tout le poids d'une dette nationale qui rendra la paix elle-même amère et ne pourra jamais être acquittée, puisque par hypothèse, il y aura toujours des guerres nouvelles. Certes, les citoyens se garderont bien de précipiter une entreprise aussi hasardeuse, au lieu que, dans une constitution où les sujets ne sont pas citoyens, c'est-à-dire qui n'est pas républicaine, Une déclaration de guerre est la chose du monde la plus facile à décider, puisqu'elle ne coûte pas au chef, propriétaire, et non pas membre de l'État, le moindre sacrifice de ses plaisirs de table, de chasse, de campagne, de cour, etc. Il peut donc résoudre une guerre comme une partie de plaisir, par les raisons les plus frivoles, et en abandonner avec indifférence la justification qu'exige la bienséance au corps diplomatique, dont le métier est d'être toujours prêt à fournir cette justification. Pour prévenir la confusion que l'on fait communément de la constitution républicaine avec la constitution démocratique, il est nécessaire de faire les observations suivantes. On peut définir et distinguer les États, soit d'après le nombre des personnes qui exercent le souverain pouvoir, soit d'après le mode d'administration. La première catégorie se rapporte à la forme de la souveraineté, forma imperii, et il ne peut y avoir que trois de ces formes. L'autocratie, la seule à le pouvoir suprême. L'aristocratie, quand plusieurs partagent ce pouvoir. La démocratie, quand tous les membres de la société l'exercent. L'autre catégorie s'applique à la forme du gouvernement, forma regulis. C'est le mode constitutionnel, la constitution étant l'acte de volonté générale par lequel une multitude devient peuple, c'est-à-dire le mode suivant lequel le peuple a décidé que s'exercerait son pouvoir. Considérée sous ce rapport, la constitution est ou républicaine ou despotique. La République est le mode politique suivant lequel on sépare le pouvoir exécutif, le gouvernement, du législatif. Le despotisme est le mode suivant lequel le chef de l'État exécute arbitrairement les lois qu'il s'est données, substituant ainsi sa volonté particulière à la volonté publique. La démocratie est nécessairement un despotisme, puisqu'elle établit un pouvoir exécutif où tous peuvent décider contre un seul, dont la vie est différente. La volonté de tous n'y est donc pas exactement celle de tous, ce qui est contradictoire et opposé à la liberté. Toute forme de gouvernement qui n'est pas représentative, à proprement parler, n'est point une forme gouvernementale. Le législateur pouvant tout aussi peu se rencontrer en une seule et même personne avec l'exécuteur de sa volonté que dans un syllogisme. L'universel de la majeure servir de particulière dans la mineure. Quoique l'aristocratie et l'autocratie soient toujours défectueuses en ce qu'elles sont affectées du vice dont je parle, elles renferment néanmoins la possibilité d'une administration représentative. Ainsi que Frédéric de Messier, en disant qu'il n'était que le premier serviteur de l'État. Au lieu que la démocratie rend la représentation impossible, chacun voulant y faire le même. On peut donc assurer que plus le nombre des gouvernants est petit et leur représentation étendue, plus la Constitution se rapproche de la République, et plus facilement elle pourra y atteindre par les réformes successives. Voilà pourquoi il est plus difficile de parvenir à cette forme de gouvernement, la seule qui réponde parfaitement aux droits de l'homme, dans une aristocratie ou dans une monarchie. C'est pourquoi il est même possible d'y arriver dans un État démocratique, si ce n'est par des révolutions violentes. Cependant, la forme du gouvernement est bien autrement importante pour un peuple que la forme de la souveraineté. Quoique le rapport plus ou moins direct de cette dernière avec le but dont je parle ne soit rien moins qu'indifférent. Pour être pleinement conforme aux principes du droit, il faut que la forme du gouvernement soit représentative. Cette forme seule permet la République. Sans elle, le gouvernement est arbitraire et despotique, quelle que soit d'ailleurs la Constitution. De toutes les anciennes soi-disant républiques, il n'en est aucune qui ait connu ce système. Aussi a-t-il fallu qu'elles aboutissent toutes au despotisme, quoiqu'au moins insupportable de tous, à celui d'un seul. Article 2. Le droit international doit être fondé sur une fédération d'États libres. Il en est des peuples en tant qu'État comme des individus. S'ils vivent dans l'état de nature, c'est-à-dire sans lois extérieures, leur voisinage seul est déjà une lésion réciproque. Et pour garantir sa sûreté, chacun d'eux peut exiger des autres qu'ils établissent d'accord avec lui une constitution garantissant les droits de tous. Ce serait là une fédération de peuples et non pas un seul et même État. L'idée d'État supposant le rapport d'un souverain au peuple, d'un supérieur à son inférieur. Or, plusieurs peuples réunis en un même État ne formeraient plus qu'un seul peuple, ce qui contredit la supposition, vu qu'il s'agit ici des droits réciproques des peuples en tant qu'ils composent une multitude d'États différents qu'ils ne doivent pas se confondre en un seul. Quand nous voyons les sauvages préférer dans leur anarchie les combats perpétuels d'une liberté déréglée à une liberté raisonnable, fondée sur un ordre constitutionnel, nous ne pouvons nous empêcher d'envisager avec le plus profond mépris cette dégradation animale de l'humanité et de rougir de l'avilissement où l'absence de civilisation réduit les hommes. Combien donc on serait porté à croire que des peuples civilisés, dont chacun forme un état constitué, dussent se hâter de sortir d'un ordre de choses aussi honteux. Mais au contraire, ne voyons-nous pas chaque État faire consister sa majesté? N'est-il pas absurde de parler de la majesté d'un peuple? Précisément, à ne dépendre de la contrainte d'aucune législation extérieure. Le souverain met sa gloire à pouvoir disposer à son gré, sans s'exposer beaucoup lui-même, de plusieurs milliers d'hommes, toujours prêts à se sacrifier pour un objet qui ne les concerne pas. La seule différence qui se trouve entre les sauvages d'Amérique et ceux d'Europe, c'est que les premiers ont déjà mangé plus d'une horde ennemie, au lieu que les autres savent tirer un meilleur parti de leurs ennemis. ils s'en servent pour augmenter le nombre de leurs sujets, c'est-à-dire pour multiplier les instruments qu'ils destinent à faire de plus vastes conquêtes. Quand on songe à la perversité de la nature humaine, qui se montre à nu et sans contrainte dans les relations de peuples à peuples, où elle n'est point arrêtée, comme elle l'est dans l'état civil, par le pouvoir coercitif des lois, on doit s'étonner que le mot de droit n'ait pas encore été banni de la politique de la guerre, comme un mot pédantesque, et qu'il ne se soit pas trouvé d'état assez hardi pour professer ouvertement cette doctrine. Car, jusqu'à présent, on a toujours cité bonnement, pour justifier une déclaration de guerre, les Grotius, les Pufendorf, les Vatel, et d'autres inutiles et impuissants défenseurs des peuples, quoique leur code, purement philosophique ou diplomatique, n'ait jamais eu et ne puisse jamais obtenir force de loi, puisque les États ne sont soumis à aucun pouvoir coercitif commun. Or, il est sans exemple que leur raisonnement et leur autorité aient décidé un État à se désister de ses prétentions. Et cependant, cet hommage que rendent ainsi tous les États au principe du droit, ne fût-ce qu'en parole, prouve du moins une disposition morale qui, bien qu'assouplie encore dans l'homme, tend néanmoins à dominer en lui le mauvais principe, avec une force à laquelle il ne peut entièrement se soustraire. Autrement, les États qui veulent se faire la guerre ne prononceraient jamais le mot de droit, si ce n'est peut-être par ironie, et dans le sens où l'entendait un prince gaulois. Le droit, c'est, disait-il, la prérogative accordée par la nature au fort de se faire obéir par le faible. Quoi qu'il en soit, les États ne peuvent jamais, pour défendre leurs droits, engager un procès. Et le champ de bataille est le seul tribunal devant lequel ils puissent plaider. Mais la victoire ne décide pas le moins du monde la question de droit. Le traité de paix qu'elle amène ne les fait pas non plus sortir de l'état de guerre, où ils restent, même en quittant les armes, toujours prêts à trouver quelque nouveau prétexte de guerre, que nul n'a qualité pour qualifier d'injuste, puisque dans cet état, chacun est juge de sa propre cause. Le droit des gens ne pourrait pas même forcer les États, comme le droit naturel y oblige les individus, à sortir de cet état de guerre. Parce qu'ayant déjà chacun une constitution juridique en tant qu'État, ils se sont soustraits à toute contrainte étrangère qui tendrait à établir entre eux un ordre constitutionnel plus compréhensif. Cependant, du haut de son tribunal, la raison, législatrice suprême, condamne absolument la guerre comme voie de droit. Elle fait de l'état de paix un devoir immédiat. Et comme cet état de paix ne saurait être fondé ni garanti sans un pacte entre les peuples, il en résulte pour eux le devoir de former une alliance d'une espèce particulière, qu'on pourrait appeler « alliance pacifique »,« foedus pacificum », différent du traité de paix « pactum pacis », en ce qu'une telle alliance terminerait à jamais toutes les guerres, tandis que le traité de paix ne met fin qu'à une seule. cette alliance n'établirait aucune domination d'État à État. Son seul effet serait de garantir la liberté de chaque État particulier qui participerait à l'association, sans que ces États eussent besoin de s'assujettir, comme les hommes qui sortent de l'état de nature, à la contrainte légale d'un pouvoir public. La possibilité de réaliser une telle fédération, qui peu à peu embrasserait tous les États et qui les conduirait ainsi à une paix perpétuelle, peut être démontrée. Car si le bonheur voulait qu'un peuple aussi puissant qu'éclairé pût se constituer en république, gouvernement qui, par sa nature, doit incliner à la paix perpétuelle, il y aurait dès lors un centre pour cette alliance fédérative. D'autres États pourraient y adhérer pour garantir leur liberté d'après les principes du droit international. Et cette alliance pourrait ainsi s'étendre insensiblement et indéfiniment. Qu'un peuple puisse dire à d'autres peuples, il ne doit pas y avoir de guerre entre nous. Constituons-nous donc en un État, c'est-à-dire établissons nous-mêmes une puissance législative, exécutive et judiciaire qui décide souverainement nos différends. Voilà ce qui se conçoit aisément. Mais si cet État se bornait à dire « Il ne doit point y avoir de guerre entre moi et d'autres États, quoique je ne connaisse pas le pouvoir suprême qui garantisse le droit réciproque, on ne voit plus sur quoi se fonderait cette confiance dans le droit, si ce n'est sur ce fédéralisme libre, supplément du pacte social, que la raison doit instituer sous le nom de droit des gens, si l'on ne veut que ce terme ne demeure absolument vide de sens. L'expression « droit des gens », prise dans le sens du droit de guerre, ne présente proprement aucune idée à l'esprit, puisqu'on entend alors par là la faculté de décider du droit, non d'après des lois universelles qui limitent également la liberté de tous les individus, mais d'après des maximes particulières, c'est-à-dire par la force. À moins qu'on ne veuille faire entendre qu'il est juste que des hommes qui admettent ces principes se dévorent les uns les autres et ne trouvent la paix éternelle que dans un vaste tombeau qui les engloutisse, eux et leurs forfaits. Aux yeux de la raison, il n'y a donc qu'un seul moyen de tirer les États de cette situation violente, où ils sont sans cesse menacés de la guerre. C'est de renoncer, comme le font les particuliers. This is a show that discusses art in such a way that people cannot understand what we're talking about. Ceci est une émission qui discute de l'art d'une telle façon, manière, que l'on ne peut pas comprendre de quoi l'on parle. Nuisances, nuisances, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, et là, comme d'habitude, de la lassitude même que ce que je dis, c'est vrai. L'anal, j'hésite pas, le 22-03-2013, le 22 mars 2013, 22nd of March 2013, nuisances on the waves. Que le supplément négatif d'une alliance permanente qui puisse déterminer et s'étendre or 3w.canalsud.net with the http://. Mais on sera toujours menacé de voir cette digue se rompre. Of my fucking ass. J'aimerais tant oublier la valeur de la France que j'aime pas. Alors pourquoi sortir en te bois quand on peut se faire un concert de grindcore? J'encule le monde qui pue la merde de musique à chier, la grande musique de merde. Où est la piété là-dedans? Je vous le dirai, dans le fric. Il faut les niquer. Prenons la richesse aux riches. Les artistes d'aujourd'hui sont morts. Il faut les manger pour prendre leur force et s'enduire de leur sang dans la vomissure de la vie tangentielle d'orure morue salée. L'anal, j'hésite pas. Et admis au foyer domestique. Sur Nuisance, 92.2 FM, ou Canal Sud.net. Ce droit demande des conventions particulières. Ou Canal Sud.92.2.fm. Que du droit qu'ont tous les hommes Nuisance. De demander aux étrangers d'entrer en société. L'émission qui fait chier. Droit fondé sur la possession commune de la surface de la terre, dont la forme sphérique oblige les hommes à se supporter les uns à côté des autres, parce qu'ils ne sauraient s'y disperser à l'infini, et qu'originairement, l'un n'a pas plus de droit que l'autre à une contrée déterminée. La mer et des déserts inhabitables divisent la surface de la terre, mais le vaisseau et le chameau, ce navire du désert, rétablissent la communication et facilitent à l'espèce humaine l'exercice du droit qu'ont tous ses membres de profiter en commun de cette surface. L'inhospitalité des habitants des côtes, par exemple des barbaresques, l'usage où ils sont de saisir les vaisseaux qui naviguent dans les mers voisines, ou de réduire à l'esclavage les malheureux qui échouent sur leur rivage. Le droit barbare qu'exercent les Arabes bédouins dans leur désert de sable, de piller tous ceux qui approchent leurs tribus errantes. Toutes ces coutumes sont donc contraires au droit naturel, qui, néanmoins, en ordonnant l'hospitalité, se contente de fixer les conditions sous lesquelles on peut essayer de former des liaisons avec les indigènes d'un pays. De cette manière, des régions éloignées les unes des autres peuvent contracter des relations amicales, plus tard sanctionnées enfin par des lois publiques, et le genre humain se rapprocher indéfiniment d'une constitution cosmopolite. À quelle distance de cette perfection sont encore les nations civilisées, et surtout les nations commerçantes de l'Europe? À quel excès d'injustice ne les voit-on pas supporter quand elles vont découvrir, c'est-à-dire conquérir, des pays et des peuples étrangers? L'Amérique, les pays habités par les nègres, les îles des épices, le Cap, etc., furent pour les Européens des pays sans propriétaires, parce qu'ils en comptaient les habitants pour rien, sous prétexte de n'établir dans l'Hindoustan que des comptoirs de commerce. Ils y débarquèrent des troupes, et par ce moyen, ils opprimèrent les naturels du pays, allumèrent des guerres entre les différents états de cette vaste contrée et y répandirent la famine. Canal Sud 92.2, c'est saturé, je t'emmerde. Déluge de mots qui a c'est nuisant, c'est, je parle de c'est le fion à cul. Non, moins fort. Voilà, moins fort. Ayant appris par expérience à connaître les Européens, leur refusant sagement. Du moins, Tu vas jouer blablabla. Qu'il fait cependant être un prisonnier. Non, de toute société avec les habitants. T'es heureux au moins, j'espère. Le pire, ou pour parler en moraliste, le mieux. Être tout aussi violent. C'est trop bien qu'il s'est dit la dame. Que toutes les compagnies de commerce qui s'en rendent coupables, tout au moment de leur vie, que les élastiques, ce repère de l'esclavage le plus cruel et le plus raffiné, ne produisent pas de profit réel et ne servent qu'indirectement même le dessein peu louable de former des matelots pour les flottes destinées à écouter la guerre en Europe. Notez que ce calcul et cette pratique sont celles des puissances qui se targuent le plus de piété et qui, tout en s'engraissant d'iniquité, veulent passer pour élus en fait d'orthodoxie. Tu fais une mission. Ouais, j'essaye, excuse-moi. Pardon. Suivi. Allô, quoi. Établi entre les mon fion, tu sais. Étant devenue si étroite qu'une violation de droit commise en un lieu est ressentie partout. Violation des droits. Les soldats. L'idée d'un droit cosmopolitique ne peut plus passer pour une exagération fantaisiste pour une exagération fantaisiste du droit. Elle apparaît nécessaire, non encore écrit, embrassant le droit civil et le droit des gens, jusqu'au droit public des hommes, et par là, qu'à la paix perpétuelle, peut se flatter de se rapprocher sans cesse, mais seulement sous les conditions qui viennent d'être... Nous parlons de sphincter ce soir, avec nous Miss Sphinctéroïde qui déblatère une ânerie complètement exagérée sur l'anus. Garant de la paix perpétuelle... Le paix perpétuelle, excusez son erreur. La nature elle-même. Natura de la rerum. Son cours mécanique annonce évidemment la pourfaite. La tyrannie contre leur intention du sein même de leur discours. Aussi, cette force nous, oh nous, l'amour, nous l'amour, l'amour, la mort. La mort. La mort. Nous, la mort. Nous, la mort. La mort. La manifestation du message. La mort. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. L'hypothèse nous est même nécessaire pour nous faire de la possibilité de l'ordre de la nature une idée analogue à celle que nous avons des opérations de l'art humain. En effet, si l'idée d'un accord entre cette fatalité naturelle et le but moral que la raison nous prescrit immédiatement est téméraire en théorie, en pratique, et quand il s'agit par exemple de faire servir cet ordre physique du monde à la réalisation du devoir de la paix perpétuelle, cette idée trouve un fondement dogmatique et certain. Comme la raison n'ose appliquer les rapports de cause et d'effet qu'aux objets que l'expérience peut nous faire connaître, il vaut mieux et il est plus sûr d'employer le mot de nature quand il s'agit de science et non de religion, plutôt que celui de providence, qui annonce une prétendue connaissance des secrets de la divinité et un essor aussi téméraire que le fut celui d'Icare vers le sanctuaire de ses desseins impénétrables. Avant de déterminer la manière dont la nature garantit la paix perpétuelle, il est nécessaire d'examiner la situation où elle place les personnages qui figurent sur son vaste théâtre et les mesures qu'elle a prises pour leur rendre cette paix nécessaire. Voici ses dispositions préparatoires. Premièrement, elle a mis les hommes en état de vivre dans tous les climats. Deuxièmement, elle les a dispersés au moyen de la guerre, afin qu'ils peuplassent les régions les plus inhospitalières. Troisièmement, elle les a forcés, par la même voie, à contracter des relations plus ou moins juridiques. Que dans les vastes plaines qui bordent la mer glaciale, croisse pourtant la mousse destinée à nourrir le renne qui va la chercher sous la neige, de façon à pouvoir lui-même nourrir, traîner l'ostiaque et le samoyed. Qu'ailleurs, les sables salés du désert soient rendus praticables au moyen du chameau, qui semble créé précisément pour qu'on puisse le traverser. Il y a déjà là de quoi s'étonner. Mais ce but paraît plus marqué encore dans le soin qu'a pris la nature de placer sur les rivages de la mer glaciale, outre les animaux couverts de fourrure, des phoques, des vaches marines et des baleines, dont la chair fournit de la nourriture et dont la graisse donne de la lumière aux habitants. Mais où l'attention maternelle de la cause du monde éclate plus merveilleusement, c'est dans la manière singulière dont elle fournit, sans qu'on sache trop bien comment, aux contrées dépourvues de végétation, le bois sans lequel les habitants n'auraient ni canaux, ni armes, ni cabanes, assez occupés d'ailleurs à se défendre contre les bêtes féroces pour vivre paisiblement en fait. Mais probablement, la guerre seule les aura poussés dans ces climats. Le premier instrument de la guerre a sans contredit été le cheval, que l'homme aura apprivoisé et dressé pour les combats lorsque la terre se peuplait d'habitants. L'éléphant a servi plus tard au luxe des états déjà formés. De même, la culture de diverses sortes de blé, sorties primitivement de graminées inconnues aujourd'hui, la multiplication et le perfectionnement des arbres fruitiers, soit par la transplantation, soit par la greffe, peut-être n'y a-t-il primitivement en Europe que des pommiers et des poires sauvages, n'ont pu se faire que lorsqu'une constitution établie assurait à chaque propriétaire la jouissance de ses possessions. Il a fallu, auparavant, que les hommes, qui vivaient d'abord dans une liberté anarchique, de chasse ou de pêche, eussent passé de la vie pastorale à la vie agricole, qu'ils eussent trouvé le sel et le fer, vraisemblablement les deux premiers objets de commerce entre des peuples différents, de façon à lier entre eux des relations pacifiques, et à contracter même avec les plus éloignés des rapports de convention et de société. Or, la nature, après avoir mis les hommes en état de vivre partout sur la terre, a voulu, si despotiquement qu'ils le fissent, qu'ils obéissent encore à sa volonté, quoiqu'à regret, et sans y être obligés par une loi morale. La guerre est le moyen qu'elle emploie pour parvenir à cette fin. C'est ainsi qu'elle a séparé des peuples dont l'identité de langage annonce l'identité d'origine. Nous voyons le long des côtes de la mer glaciale les Samoyèdes parler la langue des habitants des monts Altaï, situés à 200 000 de là. Entre eux se trouve un peuple mongol, cavalier et par conséquent belliqueux. N'est-il pas probable que ce peuple aura poussé les Samoyèdes jusque dans les glaces inhospitalières où ils n'auraient assurément pas pénétré de leur propre mouvement? Il en est de même des Finlandais, qui, à l'extrémité septentrionale de l'Europe, s'appellent Lapons. Ils ont été séparés par des peuples beaux et sarmates des Hongrois, qui, malgré leur éloignement, se rapprochent d'eux par la conformité de leur langue. Qu'est-ce qui pourrait bien avoir porté au nord de l'Amérique les Esquimaux, cette race d'hommes, toutes différentes de celles du Nouveau Monde, qui descend peut-être de quelques aventuriers européens, et au sud, jusque dans l'île de feu, les Pesqueres, si ce n'est la guerre dont la nature se sert pour peupler toute la terre. Quant à la guerre même, elle n'a besoin pour naître d'aucun motif particulier. Elle semble avoir sa racine dans la nature humaine, si bien qu'elle passe même pour un acte noble, auquel doit lui porter le seul amour de la gloire, sans aucun motif d'intérêt. Ainsi, parmi les sauvages de l'Amérique, comme en Europe, pendant les siècles de chevalerie, la valeur militaire est en grand honneur, non seulement durant la guerre, comme il serait juste, mais même comme poussant à ces guerres qu'on entreprend uniquement pour se distinguer. De sorte qu'on attache une sorte de dignité à la guerre elle-même, et qu'il se trouve jusqu'à des philosophes qui en font l'éloge comme l'une des plus nobles prérogatives de l'humanité, oubliant ce mot d'un grec, la guerre est un mal en ce qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en emporte. Mais en voilà assez sur les mesures que la nature prend pour conduire le genre humain, considéré comme formant une classe d'animaux au but qu'elle s'est proposée. Il s'agit maintenant d'examiner ce qu'il y a de plus essentiel relativement à la paix perpétuelle, à savoir ce que la nature fait pour cette paix, comment elle favorise les vues morales de l'homme et garantit l'exécution des lois que la raison prescrit à celui-ci. Tellement que tout ce que l'homme serait tenu de faire librement d'après le droit civil, public et cosmopolitique, il soit, s'il le néglige, forcé à le faire par une contrainte de la nature, sans préjudice cependant pour sa liberté. Quand je dis que la nature veut qu'une chose arrive, cela ne signifie pas qu'elle nous fait un devoir de faire arriver cette chose. Il n'y a que la raison pratique qui puisse prescrire à des êtres libres des lois sans les contraindre. Mais cela veut dire que la nature fait elle-même la chose, que nous la voulions ou non. Fata volentem ducunt, nolentem traunt. Lors même que des discordes intestines ne forceraient pas un peuple de s'assujettir à la contrainte des lois, il s'y trouverait réduit par la pression extérieure de la guerre. La nature, ayant placé, comme nous l'avons vu, à côté de chaque peuple, un autre peuple voisin, qui le presse et l'oblige à se constituer en État pour former une puissance capable de s'opposer à ses entreprises. Or, la Constitution républicaine, la seule qui soit totalement conforme aux droits de l'homme, se trouve précisément être la plus difficile à établir et à maintenir. Le pire est qu'il faudrait, comme on l'a dit, des anges et non des hommes dominés par des penchants égoïstes pour réaliser une forme de gouvernement si sublime. Mais c'est ici que la nature se sert même de ses penchants intéressés pour donner à la volonté générale, sans déroger au respect qu'elle doit à la raison sur laquelle elle est fondée, l'efficace pratique qui lui manque. Il ne s'agit que d'organiser l'État, et cela n'est pas au-dessus des forces humaines, de telle façon que l'action et la réaction des divers penchants en modèrent ou en anéantissent les faits, et les rendant nuls pour la raison, force l'homme à devenir, sinon moralement bon, du moins bon citoyen. Le problème d'une constitution, s'agit-il d'un peuple de démons, qu'on me pardonne ce qu'il y a de choquant dans l'expression, n'est pas impossible à résoudre, pourvu que ce peuple soit doué d'entendement. Voici comment on peut établir cette thèse. Une multitude d'êtres raisonnables souhaitent tous, pour leur conservation, des lois universelles, quoique chacun d'eux ait un penchant secret à s'en excepter lui-même. Il s'agit de leur donner une constitution qui enchaîne tellement l'une par l'autre leurs passions personnelles que dans leur conduite extérieure, l'effet de ces passions soit aussi insensible que s'ils n'avaient pas du tout ces dispositions mauvaises. Pourquoi ce problème serait-il insoluble ? Il n'exige pas qu'on obtienne l'effet désiré d'une réforme morale des hommes. Il demande uniquement que l'on recherche comment on pourrait tirer parti du mécanisme de la nature pour diriger tellement la contrariété des intérêts personnels que tous les individus qui composent un peuple se contraignent les uns les autres à se ranger sous le pouvoir coercitif d'une législation, en créant ainsi un état de paix établi sur des lois. Quelque imparfaite que soit l'organisation des États actuels, il nous offre néanmoins une preuve de ce que j'avance. Dans la conduite extérieure, on y approche assez de ce qu'exige l'idée du droit, quoique les principes intrinsèques de la morale n'y contribuent assurément en rien, et ne doivent même pas y contribuer, puisque ce n'est pas à la morale d'amener une bonne constitution, mais à celle-ci de produire la réforme morale des hommes. L'exemple cité fait voir suffisamment que le mécanisme de la nature, suivant lequel des penchants intéressés doivent se combattre réciproquement jusque dans leurs effets, peut servir cependant de moyen à la raison pour ménager au principe du droit la prépondérance vers laquelle elle tend, et à l'État l'établissement et le maintien assuré d'une paix extérieure et même intérieure. La nature veut donc d'une manière irrésistible que le droit soit à la fin le maître. Et ce qu'on néglige de faire, elle le fait elle-même, quoique par des moyens très déplaisants. Vous priez d'un roseau le fragile soutien, courbez trop, il rompra. Qui veut trop, ne veut rien. Butterwick. L'idée du droit des gens suppose l'indépendance réciproque de plusieurs États voisins et séparés. Et quoique cette situation soit par elle-même un état de guerre, à moins qu'une union fédérative n'empêche les hostilités, la raison préfère pourtant cette coexistence des États à leur réunion sous une puissance supérieure aux autres, qui parviendrait à la fin à la monarchie universelle. Car les lois perdent toujours en énergie ce que le gouvernement gagne en étendue. Et, mon manquant, qui tue les âmes, y étouffe les germes du bien, dégénère, tôt ou tard, en anarchie. Cependant, il n'est point d'État dont le chef ne désira s'assurer une paix durable pour la conquête de l'univers entier, si cette conquête était possible. Mais la nature s'y oppose. Elle se sert de deux moyens pour empêcher les peuples de se confondre. La diversité des langues et la diversité des religions. Cette diversité renferme, il est vrai, le germe de haine réciproque et fournit même souvent un prétexte à la guerre. Mais à mesure que les hommes se rapprochent dans leurs principes par l'effet des progrès de la civilisation, la diversité des langues et des religions amène et assure une paix fondée, non pas comme celle où est-ce pour le despotisme sur la loi de la liberté et sur l'extinction de toutes les forces, mais sur l'équilibre que ces forces gardent entre elles, malgré la lutte qui résulte de leur opposition. Si la nature sépare sagement les peuples que chaque État voudrait confondre, soit par ruse, soit par force, et cela, d'après les principes mêmes du droit des gens, elle se sert, au contraire, de l'esprit d'intérêt de chaque peuple pour opérer entre eux une union que l'idée seule du droit cosmopolitique n'aurait point suffisamment garanti de la violence et des guerres. Je parle de l'esprit de commerce qui s'empare tôt ou tard de chaque nation et qui est incompatible avec la guerre. La puissance pétrolière étant de toutes celles qui donnent le plus de ressorts aux États, ils se voient obligés de travailler au noble ouvrage de la paix, quoique sans aucune vue morale. Et quelque part que la guerre éclate, de chercher à l'instant même à l'étouffer par des médiations, mon manquant, s'ils avaient contracté assez de faits, les grandes associations pétrolières étant naturellement rares, et encore plus rarement heureuses. C'est ainsi que la nature garantit, par le moyen même de l'engrenage des penchants humains, la paix perpétuelle. Et quoique l'assurance qu'elle nous donne ne suffise pas pour la prophétiser théoriquement, elle empêche du moins de la regarder comme un but chimérique et nous fait par là même un devoir de travailler à la réaliser. Deuxième supplément. Article secret d'un traité de paix perpétuelle. Il serait contradictoire de faire entrer dans le traité de droit public un article secret quant à son objet. Mais il peut très bien s'y trouver des articles secrets subjectivement, c'est-à-dire quant à la qualité des personnes qui vivent et qui craindraient de compromettre leur dignité si elles s'en déclaraient ouvertement les auteurs. Ici, le seul article de ce genre sera le suivant. Les maximes des philosophes sur les conditions qui rendent possible la paix perpétuelle doivent être consultées par les États armés pour la guerre. Il peut paraître humiliant pour l'autorité législative d'un État auquel il faut naturellement attribuer de la sagesse d'avoir à s'inscrire des règles observées dans ses relations avec d'autres États auprès des philosophes sur ces sujets. Cependant, il est très sage de le faire. L'État invitera donc tacitement les philosophes à donner leur avis. C'est-à-dire que, faisant mystère de l'intention qu'il a de suivre ses avis, il leur permettra de publier librement les maximes générales qui concerne la guerre et la paix, car ils ne manqueront point de parler, pourvu seulement qu'on ne leur impose pas silence. Il n'est pas non plus besoin d'une convention particulière des États pour s'accorder sur ce point, puisque l'obligation qui leur est imposée découle des principes universels de la raison législative. On ne prétend point pour cela que l'État doivent accorder au principe du philosophe la préférence sur les décisions du jurisconsulte, le représentant du souverain. On demande seulement que le philosophe soit écouté. Le jurisconsulte qui a choisi pour symbole, outre la balance du droit, le glaive de la justice, ne se sert pas toujours du dernier, uniquement pour écarter de la première toute influence étrangère. Si l'un des bassins ne penche pas du côté qu'il veut, il y place le glaive. Vae victis. C'est une tentation à laquelle la moralité du jurisconsulte se trouve exposée s'il n'est pas en même temps philosophe. En effet, sa vocation l'appelle à appliquer des lois positives, non à examiner si ces lois auraient besoin de réformes. Et quoique ses fonctions soient par cela même d'une infériorité bien évidente, néanmoins, parce que la faculté de droit se trouve revêtue de pouvoir aussi bien que celle de théologie et de médecine, le jurisconsulte assigne à la sienne un des premiers rangs. Et la faculté philosophique est forcée par ses puissances coalisées de se contenter d'une place bien inférieure. La philosophie, dit-on, n'est que la servante de la théologie. Les autres facultés ont vis-à-vis d'elle la même prétention. Mais on se garde bien d'examiner si cette servante précède sa dame le flambeau à la main ou si elle ne fait que lui porter la queue. Que les rois deviennent philosophes ou que les philosophes deviennent rois, on ne peut pas s'attendre. Il ne faut même point le souhaiter, parce que la jouissance du pouvoir corrompt inévitablement la raison et altère la liberté du jugement. Mais il faut désirer que les rois et les peuples rois, c'est-à-dire les peuples qui se gouvernent eux-mêmes d'après la loi d'égalité, ne souffrent pas que la classe des philosophes soit réduite à disparaître ou à se taire. On doit lui permettre, au contraire, de se faire entendre librement. Voilà ce qu'exige l'administration du gouvernement qui ne saurait s'environner d'assez de limites. D'ailleurs, la classe des philosophes, incapable par sa nature de trahir la vérité, pour se prêter une vie intéressée des clubistes et des meneurs, ne risque pas de se voir soupçonné de propagandisme. Appendice 1. De l'opposition qui se trouverait entre la morale et la politique au sujet de la paix perpétuelle. La morale a déjà, par elle-même, un objet pratique, puisqu'elle est l'ensemble des lois absolues d'après lesquelles nous devons agir. Il est donc absurde d'accorder à l'idée du devoir toute son autorité et de prétendre néanmoins que ce devoir est d'un accomplissement impossible, ce qui anéantirait l'idée même du devoir. Ultra posse nemo obligatum. La politique, en tant qu'elle est une pratique du droit, ne saurait donc être en contradiction avec la morale, considérée comme étant la théorie de ce même droit. Ce qui revient à dire qu'il n'y a point d'opposition entre la théorie et la pratique. À moins qu'on entende par morale l'ensemble des règles générales de la prudence, soit la théorie des moyens les plus propres à remplir des vues d'intérêt personnel. C'est-à-dire, à moins qu'on ne rejette entièrement toute idée de morale. La politique dit « Ayez la prudence du serpent ». La morale y injecte cette restriction. Et la simplicité, la sincérité de la colombe. Si ces deux maximes ne peuvent entrer dans un même précepte, la politique sera réellement en opposition avec la morale. Mais s'il est absolument nécessaire que ces deux qualités se trouvent réunies, l'idée du contraire est absurde, et l'on ne peut plus même proposer comme problématique la question « Comment accorder la politique avec la morale ?» Quoique cette proposition, l'honnêteté et la meilleure politique, annonce une théorie trop souvent, hélas, démentie par la pratique. Aucune objection n'atteindra jamais celle-ci. L'honnêteté vaut mieux que toute politique. Elle en est même la condition essentielle. La divinité titulaire de la morale ne le cède pas à Jupiter, ce dieu de la puissance. Or, ce dieu est soumis au destin. Cela veut dire que la raison n'est pas assez éclairée pour embrasser toute la série des causes déterminantes, dont la connaissance la mettrait en état de prévoir avec certitude les suites heureuses ou malheureuses que le mécanisme de la nature fera résulter des actions humaines, quoique nous les connaissions assez pour espérer que la fin en sera conforme à nos vœux. Mais ce que nous avons à faire pour rester fidèles au devoir et poursuivre les règles de la sagesse, Voilà ce que doit nous apprendre la raison. Et c'est sur quoi elle nous fournit à tous les plus vives lumières. Or, l'homme pratique, pour qui la morale n'est qu'une simple théorie, tout en reconnaissant l'existence du devoir et le pouvoir que nous avons de l'accomplir, prétend néanmoins nous ravir le consolant espoir qui nous anime. Telle est, dit-il, la nature de l'homme, que jamais il ne voudra ce qui serait nécessaire pour réaliser la paix perpétuelle. Il ne suffit pas, sans doute, pour atteindre ce but, que chaque individu veuille vivre d'après des principes de liberté sous une constitution légale, ou, pour me servir des termes de l'école, qu'il y ait unité distributive de la volonté de tous. Il faut encore que tous ensemble veuillent cet état, qu'il y ait unité collective des volontés combinées pour faire un tout de la société civile. Il est donc nécessaire qu'une cause unisse les volontés individuelles de tous, de façon qu'il y ait volonté générale. Or, aucun individu ne pouvant réaliser cette union, puisqu'il n'a lui qu'une volonté particulière, il ne restera d'autre moyen de réaliser pratiquement un état constitutionnel que la force sur laquelle on fonde ensuite le droit public. Par conséquent, il faut s'attendre à voir dans l'exécution de cette idée l'expérience s'écarter beaucoup de la théorie, car on ne peut guère espérer que le législateur ait assez de moralité pour qu'après avoir transformé en peuple une horde de sauvages, il abandonne à la volonté générale de ce peuple l'établissement d'une constitution. Quand on a une fois le pouvoir en main, on ne se laisse pas faire la loi par le peuple. Un État parvenu une fois à l'indépendance ne consentira pas à laisser à la décision d'autres États la manière dont il doit soutenir ses droits contre eux. Toute partie du monde qui se sent supérieure à une autre ne négligera jamais d'agrandir sa puissance en se soumettant celle qui lui est inférieure en force. Et ainsi s'évanouissent tous les beaux plans de droit civil, public et cosmopolitique qui ne paraissent plus que des théories chimériques. Tandis qu'une pratique fondée sur des principes déduits de la connaissance de la nature humaine et qui ne rougit pas d'emprunter ses maximes à l'usage du monde, semble seule pouvoir espérer de poser sur un fondement inébranlable l'édifice de sa politique. Je l'avoue, s'il n'y a ni liberté, ni loi morale qui en découle, si tout ce qui est, si tout ce qui peut arriver n'est qu'un simple mécanisme de la nature, dans cette hypothèse, toute la science pratique se réduira à la politique, c'est-à-dire à l'art de faire usage de ce mécanisme pour gouverner les hommes. L'idée du devoir ne sera plus alors qu'une chimère. Mais si, au contraire, c'est une nécessité que de combiner cette idée de devoir avec la politique, d'en faire même une condition restrictive de celle-ci, dès lors, il faut convenir de la possibilité de leur combinaison. Or, je puis très bien me représenter un politique moral, c'est-à-dire un homme d'État qui n'agira que d'après des principes avoués par la morale, au lieu que je ne saurais me faire une idée d'un moraliste politique qui accommode la morale aux intérêts de l'homme d'État. Le politique moral aura pour principe que s'il s'est glissé des défauts soit dans la constitution d'un État, soit dans les rapports des États entre eux, le principal devoir des chefs est d'y faire aussitôt des amendements conformes au droit naturel établi sur la raison, du style même sacrifier à ces changements leurs propres intérêts. Non point qu'ils doivent rompre violemment les liens de la société civile et cosmopolitique, avant même que d'avoir une meilleure forme à substituer à l'ancienne. Une opération aussi brusque n'est pas moins désavouée par la morale que par la politique. Mais ce qu'on peut exiger des gouvernants, c'est qu'ils aient toujours devant les yeux le devoir d'opérer ces réformes et de tendre par des progrès continuels vers la meilleure constitution possible. Un État peut avoir un gouvernement républicain lors même qu'il laisse encore subsister le pouvoir despotique d'un maître, jusqu'à ce que le peuple cède enfin à la seule autorité de la loi, comme si elle avait une puissance physique, et qu'il soit devenu capable d'être son propre législateur, ainsi que son droit primitif l'exige. Quand même une révolution violente, nécessitée par les vices du gouvernement, aurait amené par des voies injustes un meilleur ordre de choses. il ne serait plus permis de faire rétrograder le peuple vers son ancienne constitution. Quoique chacun de ceux qui, pendant la durée de cette révolution, y ont participé, ouvertement ou clandestinement, aient encouru le juste châtiment de la rébellion. Quant aux relations extérieures des États, on ne saurait prétendre qu'une nation renonce à sa constitution, fût elle-même despotique et par conséquent la plus redoutable aux ennemis du dehors, aussi longtemps qu'elle se trouve exposée au danger d'être absorbée par d'autres États. Il faut donc que cette réforme puisse également être renvoyée à une époque plus favorable. Il se peut que les moralistes despotiques violent plus d'une fois les règles de la politique dans les mesures qu'ils prennent ou proposent avec trop de précipitation. Mais l'expérience les ramènera bientôt dans les voies de la nature. Au lieu que les moralistes politiques, qui accommodent la morale à leur dessein, en contestant à la nature humaine la faculté d'obéir à la raison morale, favorisent des maximes d'État incompatibles avec le droit et s'efforcent véritablement de rendre impossible toute réforme et d'éterniser la violation du droit. Loin de posséder cette science pratique dont ils se vantent, ces habiles politiques n'ont que la pratique des affaires, uniquement occupés à encenser le pouvoir dominant, parce que leur intérêt personnel y gagne. Ils descendent à des manœuvres pour le succès desquelles ils sacrifieraient le peuple et bouleverseraient le monde entier s'il leur était possible. Voilà ce qui arrive à tous les jurisconsultes de profession. Je ne parle pas, bien entendu, de ceux qui font la législation. Sans raisonner sur les lois, ils sont donc obligés de les exécuter. Les dernières parues sont donc toujours pour eux les meilleures, et rien ne les fait sortir de l'ordre mécanique auquel ils sont habitués. Néanmoins, la facilité qu'ils ont acquise de se prêter à toutes les circonstances leur inspire la vanité de croire qu'ils peuvent aussi juger des principes universels du droit et du gouvernement. La multiplicité de leurs relations leur fait faire la connaissance d'un grand nombre d'hommes, et ils prennent cette connaissance pour la connaissance de l'homme, quoiqu'il y ait une grande différence entre les deux, et qu'il faille, pour acquérir la dernière, envisager l'homme et ses facultés d'un point de vue plus relevé. Fiers de leur esprit d'observation, s'élèvent-ils jusqu'au droit civil et public? Ils ne pourront y porter que l'esprit de chicane. Ils appliqueront leur procédé mécanique là même où ils ne trouvent pas de loi despotique et où la raison ne tolère aucune contrainte que celle d'une liberté légale, seul et unique fondement d'une constitution capable de garantir le droit. C'est à quoi réfléchit sans doute très peu le praticien. Il s'imagine pouvoir puiser toutes ses notions dans l'expérience et sans vouloir rien demander à la raison. Il veut que les constitutions qui ont passé jusqu'ici pour les meilleures, quoiqu'elles aient presque toutes violé le droit, nous donnent l'idée de la meilleure constitution possible. Voici quelques-uns des sophismes par lesquels il se laisse guider, et c'est à quoi se réduit à peu près tout son savoir-faire. Premièrement, fac et excusa. Saisis l'occasion favorable de t'emparer d'un droit sur ton propre état ou sur l'état voisin. Après l'action, la justification pourra se faire avec bien plus de facilité et d'élégance, surtout au cas où le pouvoir suprême est en même temps le législateur auquel il faut obéir sans raisonner. Il vaut bien mieux commettre l'acte de violence et l'excuser ensuite que de rechercher péniblement des raisons convaincantes et de perdre du temps à écouter les objections. Cette hardiesse même annonce une sorte de conviction de la légitimité de l'action, et le dieu des succès, Bonus Eventus, est ensuite le meilleur avocat. Deuxièmement, si fecisti, nega. Nie tout ce que tu as commis. Si tu as, par exemple, porté ton peuple au désespoir et ainsi à la révolte, n'avoue pas que ce soit ta faute, mais tout sur le compte de l'obstination des sujets. As-tu pris possession d'un état voisin? Soutiens qu'il faut s'en prendre à la nature de l'homme, qui, s'il ne s'empare point d'abord du bien d'autrui, est certainement dépouillé par son prochain. Troisièmement, divide et impera. Y a-t-il chez un peuple certains chefs privilégiés qui t'ont conféré le pouvoir souverain? Primus inter pares. Truc de merde. Divise-les entre eux, tâche de les brouiller avec le peuple, favorise ce dernier et promets-lui plus de liberté. Ta volonté aura bientôt force de loi absolue. Tes vues se portent-elles sur des états étrangers? Excite entre eux des discordes. Et, sous prétexte d'assister toujours le plus faible, tu pourras te les assujettir tous, les uns après les autres. 92.2 Personne ne règne plus dupe de ses maximes, trop universellement connues pour en imposer encore. 25. Mais il n'est pas non plus question d'en avoir honte. Et quelques secondes. Si la justice était trop sensible. De grandes puissances ne rougissent que du jugement qu'elles portent l'une sur l'autre, et non de celui du vulgaire. D'ailleurs, comme elles vont toutes de pair relativement à la moralité de leurs maximes, elles ne rougissent pas de l'imputation, mais seulement de l'insuccès. Il leur reste toujours l'honneur politique qu'on ne peut pas leur disputer, savoir l'agrandissement de leur pouvoir, de quelque manière qu'elle l'ait effectué. Tous ces détours où s'engage une politique immorale pour conduire les hommes de l'état de guerre, qui est l'état de nature, à l'état de paix, prouvent du moins que, ni dans leurs relations personnelles, ni dans leurs rapports publics, les hommes ne sauraient se refuser à l'idée du droit. Qu'ils ne hasardent pas de fonder la politique sur de simples artifices de prudence, ni par conséquent de se soustraire à l'idée d'un droit universel. Qu'ils lui témoignent, au contraire, tous les égards possibles, surtout en matière de droit des gens. Alors même qu'ils imaginent des subterfuges et des palliatifs à l'infini pour y échapper dans la pratique, et que par une grossière erreur, ils attribuent l'origine et le maintien du droit à la force aidée de la ruse. Eh bien, mettons fin, sinon à l'injustice elle-même, du moins au sophisme dont on se sert pour la voiler. Forçons les perfides représentants des puissances d'avouer qu'ils ne plaident pas en faveur du droit, mais de la force, dont on retrouve l'accent jusque dans leur ton impérieux, comme si leur pouvoir s'étendait jusqu'à commander à la vérité. Pour y parvenir, détruisons le prestige qui abuse les esprits. Remontons jusqu'au principe qui nécessite une paix perpétuelle et montrons que le mal qui met obstacle à l'établissement de cette paix vient de ce que le moraliste politique commence là où doit réellement finir le politique moral, et qu'en subordonnant ainsi les principes au but, ce qui s'appelle mettre la charrue avant les bœufs, il n'imite pas sa propre cause et se met lui-même dans l'impuissance d'accorder la politique avec la morale. Décidons d'abord une question générale, d'où dépend l'unité de la philosophie pratique. Pour résoudre les problèmes proposés à la raison pratique, faut-il commencer par examiner le but matériel qu'on se propose, par exemple, l'avantage et le bonheur qui résulteraient de l'action qui est l'objet de la volonté? Ou bien, mettant à l'écart tous ces rapports sensibles, doit-on simplement s'attacher au principe formel, c'est-à-dire à la condition sous laquelle la liberté peut s'exercer au dehors. Principe énoncé dans cette loi, agis de manière que tu puisses vouloir que la maxime d'après laquelle tu te détermines devienne une loi générale, quel que soit le but que tu te proposes. Il est indubitable qu'il faut commencer par le principe formel, puisqu'en qualité de principe de droit, il renferme une nécessité absolue, tandis que le principe matériel ne crée qu'une nécessité conditionnelle et suppose seulement qu'on veut atteindre un but déterminé. Or, quand ce but serait lui-même un devoir, comme par exemple la paix perpétuelle, il faudrait pourtant qu'il eût été déduit du principe formel des actions libres. Or, ici, le problème d'un droit civil, public et cosmopolitique n'est pour le moraliste politique qu'un problème technique, au lieu que pour le politique moral, il est un problème moral. L'un et l'autre auront donc une route bien différente à suivre pour établir la paix perpétuelle, considérée par l'un comme un simple bien physique, par l'autre comme un résultat nécessité par le devoir. Il faut au premier, c'est-à-dire au moraliste politique, une connaissance bien vaste, bien étendue de la nature, puisqu'il doit en faire servir le mécanisme à l'obtention de son but politique. Or, quelque étendue que soit cette connaissance. Le résultat de toute sa prudence laissera toujours la paix perpétuelle dans l'incertitude. Parcourez, pour vous en convaincre, les trois espèces de droit public. Quel est le moyen le plus propre à maintenir le peuple dans l'obéissance et dans la prospérité? Est-ce la sévérité ou l'appât des distinctions qui flattent la vanité? Sera-ce la puissance d'un seul ou la réunion de plusieurs chefs? Une noblesse de robe ou le pouvoir du peuple? Rien de plus incertain, car l'histoire nous fournit des exemples favorables à toutes les formes de gouvernement, à l'exception de celle qui est vraiment républicaine, laquelle aussi ne peut entrer que dans l'esprit du politique moral. Il règne plus d'incertitude encore dans ce prétendu droit public fondé sur des protocoles rédigés par des ministres plénipotentiaires, mais vides de sens, qui ne désignent que des actes conventionnels, conclus tous avec la restriction mentale de leur violation. Il en est tout autrement du problème que se pose le politique moral. Ici, la solution vient en quelque sorte s'offrir d'elle-même à l'esprit. Chacun en reconnaît l'évidence. Elle fait rougir le moraliste politique de l'inutilité de ses manœuvres. Elle conduit immédiatement au but, quoique par des progrès insensibles, sans violence et sans précipitation. C'est ici que s'applique cette parole. Cherchez premièrement le règne de la pure raison pratique et la justice. Votre but, le bienfait de la paix perpétuelle, vous sera donné par surcroît. Car telle est la prérogative de la morale, surtout en matière de droit public, et par conséquent, dans sa politique, a priori, que moins elle vise dans la pratique au but proposé, c'est-à-dire à l'avantage physique ou moral qu'on a en vue, et plus directement qu'elle y conduit. Car en fait, c'est la volonté générale, réglée a priori, qui détermine ce qui est de droit, soit pour un même peuple, soit dans les relations des peuples entre eux. Or, pourvu qu'on reste d'accord avec soi-même dans la pratique, cette unité des volontés de tous peut, en même temps, produire l'effet désiré d'après le mécanisme de la nature, et pourvoir ainsi à la réalisation de l'idée du droit. C'est, par exemple, un principe de la politique morale qu'un peuple ne doit se constituer en état que d'après les seules idées de liberté et d'égalité. Et ce principe ne se fonde pas sur la prudence, mais sur le devoir. Or, que les moralistes politiques s'y opposent tant qu'ils voudront, qu'ils s'épuisent à raisonner sur l'inefficacité de ces principes, mis en présence des passions naturelles des membres de la société, qu'ils allèguent même, pour appuyer leurs objections, l'exemple de constitutions anciennes et modernes, toutes mal combinées, aussi bien que celui de démocratie organisée sans système représentatif. Tous leurs arguments si on ne méritent pas fait le tour du cadran, surtout quand on considère des heures, qu'ils causent des heures, peut-être eux-mêmes ce mal moral dont passer. Ils supposent l'existence, par cette théorie funeste qui confond l'homme dans une même classe avec les à autres machines vivantes, des livres, et qui, pour en faire le plus malheureux de tous les êtres, la lumière s'éteignait la conscience de sa liberté. Au-dessus des livres. La sentence un peu cavalière, mais vraie. Fiat justitia, pereat mundus. C'est-à-dire que la justice règne, dusse périr les scélérats de tout l'univers. Cette sentence, qui a passé en proverbe, est un principe de droit bien énergique et qui coupe hardiment tous les chemins tortueux tracés par la ruse ou par la force. Mais il faut la bien comprendre. Elle n'autorise pas à faire valoir le droit en toute rigueur. La morale s'oppose à un tel absolutisme. Elle commande seulement aux puissants de ne détruire ni diminuer le droit de personne par aversion pour les uns ou par commisération pour les autres. Ce qui exige, d'un côté, une constitution intérieure fondée sur les principes du droit et de l'autre, une convention conclue avec les autres États tendant à régler légalement les différends internationaux. Quelque chose d'analogue à un État universel. Cette sentence signifie donc uniquement que les maximes politiques ne doivent pas être fondées sur la prospérité qu'on peut s'en promettre pour l'État. qu'on ne doit pas faire attention au but matériel, objet de la volonté de chaque État. But qui ne peut servir de premier principe à la politique que lorsque cette politique veut rester empirique. Qu'il faut déduire les maximes d'État de la pure idée du devoir, quelles qu'en puissent être les suites physiques. Et certes, l'univers ne croulera point parce qu'il y aura moins de méchants. Telle est la nature essentielle du mal moral, que la contradiction de vue qui se rencontre entre ses partisans le détruit insensiblement, et que, s'anéantissant lui-même, il fait peu à peu place au principe du bien moral. Objectivement, c'est-à-dire en théorie, il n'y a donc pas d'opposition entre la morale et la politique. Mais il y en aura toujours subjectivement, c'est-à-dire par une suite du penchant égoïste de l'homme. On dirait dans la pratique, si ce terme ne supposait pas une conduite fondée sur les maximes de la raison. Et au fond, cette lutte sert d'exercice à la vertu. Mais qu'est des malices cèdent contre un Aogento Ito. Mais l'effort le plus courageux de la vertu consiste moins en ce cas à braver les mots inséparables de ce combat qu'à découvrir et à vaincre au-dedans de lui le mauvais principe dont l'artificieux mensonge et les perfides sophismes vont à nous persuader sans cesse que la fragilité humaine justifie tout l'image et son devront leur moraliste politique leur pouvoir peut dire effectivement qu'à l'emploi que si le prince et le peuple, ou les peuples entre eux, emploient la ruse ou la force pour se combattre, ils ne se font pas tort les uns aux autres, quoiqu'ils aient tort de refuser tout respect à l'idée du droit, qui seul pourrait servir de base à une paix perpétuelle. Car l'un manquant à son devoir envers l'autre, tout aussi mal intentionné à son égard, il est dans l'ordre qu'il s'en prédispose. À l'habitude et à l'automatisme. Malheureusement, il reste encore assez de cette urgence de les pour faire durer ce jeu jusque dans les siècles les plus reculés et fournir à la postérité les des frayeurs. Les 9/10 de nos mouvements obéissent à l'habitude et à l'automatisme. La Providence qui règle le cours du monde est suffisamment justifiée par une intelligence morale qui ne meurt jamais dans l'homme. Puisqu'au contraire, les progrès continuels de l'esprit humain développent de plus en plus la raison et la rendent plus propre à réaliser l'habitude et à l'automatisme, conformément au principe moral, faisant en même temps le coupable, ce qu'il a fait. Il n'y a que l'existence et la création même de cette race dépravée qui semblent ne pouvoir être justifiées par aucune théodicée, si nous admettons que le genre humain n'est jamais s'améliorer. Mais il ne nous est pas permis de nous élever dans nos jugements théoriques au-dessus de notre sphère. Et la puissance infinie est trop incompréhensible pour que nous osions lui appliquer nos idées de sagesse. Une vraie radio libre. Telles sont les conséquences désolantes qui résultent du système où l'on déclare impraticables les principes du droit. Connaissant l'âme et le cœur. Il faut donc admettre la réalité objective de cette et qu'il soit fait pour le travail des mains. Il faut que le peuple règle sa conduite dans chaque État connaissant et les États et le dans cœur. Les relations réciproques, quelques spécieuses que mais qu'il soient soit les fait comme un travail que des la politique mains. Déduit de l'expérience. Ton Ainsi, film la vraie politique ne saurait faire un pas sans cœur. Avoir auparavant rendu hommage à la morale. Mais qu'il soit fait comme un travail des mains. Elle n'est plus un art difficile ni compliqué. Car aussitôt qu'elles ne sont plus d'accord, la morale tranche les nœuds que la politique est incapable de dénouer. Il faut donc tenir pour sacrés les droits de l'homme, dussent les souverains leur faire les plus grands sacrifices. On ne peut pas se partager ici entre le droit et l'utilité. La politique doit plier le genou devant la morale. Mais à cette condition, elle doit avec le temps parvenir à briller d'une gloire immortelle. 2. De l'accord que l'idée transcendante du droit établit entre la politique et la morale. Quand je compare, selon l'usage des jurisconsultes, le droit public dans toutes ses parties, soit dans les relations des individus d'un État entre eux, soit dans les rapports des États avec les États, si je fais abstraction de toute la matière du droit, il me reste encore une forme qui lui est essentielle, celle de la publicité. Sans elle, il n'y a point de justice, puisqu'on ne saurait concevoir la justice que comme pouvant être rendue publique. Les livres. Or, sans justice, il n'y aurait pas non plus de droit, puisqu'il ne se fonde que sur la justice. Chaque prétention juridique doit donc pouvoir être rendue publique. En fait, oui, oui. Et comme il est très aisé de juger dans chaque cas, si les principes de celui qui agit supporteraient la publicité, quand je vais dans n'importe quel hôtel peut servir de, d'un pays anglo-saxon, de critérium je vais direct quand je rentre dans la chambre pour reconnaître l'injustice de la prétention juridique. J'entends par matière du droit civil et public tout ce que l'expérience table de cheval, je vais direct, je tire le tiroir, je prends la Bible, c'est instinctif. Je prends la Bible et quand je suis superstitieux, je ne la brûle pas, mais je la jette dans le... Faisons abstraction de tout cela. Qui est la plus proche. Nous aurons alors une formule transcendante du droit public. La voici. Toutes les actions relatives au droit d'autrui, dont la maxime n'est pas susceptible de publicité, sont injustes. Ce principe n'est pas seulement moral et essentiel à la pratique de la vertu. Il est aussi juridique et se rapporte également au droit des hommes. Car une maxime que l'on ose déclarer tout haut sans agir contre ses propres fins, qui exige absolument le secret pour réussir, et que l'on ne saurait avouer publiquement sans armer tous les autres contre soi, une telle maxime ne peut devoir qu'à l'injustice dont elle les menace, cette opposition infaillible et universelle dont la raison prévoit la nécessité absolue. Ce principe est d'ailleurs purement négatif. Il ne sert qu'à reconnaître ce qui est contraire aux droits des autres. Il a l'évidence et la certitude des axiomes, et l'on peut aisément en faire l'application. Quelques exemples puisés dans le droit public vont le prouver. Premièrement, en droit politique, jus civitatis, on rencontre une question regardée comme très difficile à résoudre, et que le principe transcendant de la publicité tranche d'abord, savoir si un peuple est en droit de secouer par la rébellion le joug d'un tyran. Non titulo, sed exercitio talis. Les droits du peuple sont violés. On ne fait pas tort au tyran en le détrônant. Cela est hors de doute. Il n'en est pas moins vrai que les sujets ont le plus grand tort de poursuivre leurs droits de cette manière et qu'ils ne sauraient se plaindre d'injustice si, succombant dans la lutte, ils se voyaient frappés des plus rudes châtiments. Veut-on décider la question par une déduction dogmatique des droits ? On argumentera longtemps pour et contre. Mais notre principe transcendant de droit public nous épargne toutes ces difficultés. D'après ce principe, qu'un peuple se demande si avant l'institution du contrat social, il oserait bien publier la maxime d'après laquelle il se réserverait le droit à l'insurrection dans une occasion donnée. On voit tout de suite que si, en fondant une constitution, le peuple se réservait le pouvoir en certains cas, employer la force contre son chef, il s'arrogerait un pouvoir légitime sur celui-ci. Mais alors, le chef cesserait d'être chef. Et si l'on voulait faire de cette condition une clause de la Constitution, celle-ci deviendrait impossible et le peuple manquerait son but. L'injustice de la rébellion se manifeste donc en ce que la publicité rendrait impraticable la maxime qui la permet. Il faudrait par conséquent la tenir secrète. Or, il n'en serait pas de même du chef de l'État. Il peut hardiment déclarer qu'il punira de mort tout instigateur de révolte. Lors même que les conspirateurs croiraient que le chef a le premier violé la loi fondamentale, le chef doit jouir d'un pouvoir irrésistible et inviolable, puisqu'il n'aurait pas le droit de commander à chacun s'il n'avait pas le pouvoir de protéger chacun contre les autres. Or, se sentant revêtu d'un tel pouvoir, il n'a pas à craindre d'agir contre ses propres vues en publiant sa maxime. Une conséquence non moins évidente de ce principe, c'est que si le peuple réussit dans sa révolte, le chef, rentrant dans la classe des sujets, ne doit ni renouveler la rébellion pour remonter sur le trône, ni être appelé à rendre compte de son administration précédente. Deuxièmement, le droit des gens suppose un état juridique, car étant un droit public, il renferme déjà dans sa notion la déclaration des droits que la volonté générale assigne à chacun. Cet état juridique doit résulter d'un pacte antécédent, fondée non sur des lois de contrainte, comme celui du résultat méta, mais sur une association permanente et libre, telle que la Fédération des États, dont il a été question plus haut. Dans l'état de nature et en l'absence d'un état juridique qui unisse entre elles les diverses personnes physiques ou morales, il ne peut y avoir qu'un droit purement privé. Or, il se manifeste également ici, entre la politique et la morale, considérée comme doctrine, une contrariété tout aussi aisée à lever si on y applique le principe de la publicité des maximes. Je suppose toutefois que la Fédération des peuples n'aura pour objet que le maintien de la paix et non aucune entreprise de conquête. Voici les problèmes sur lesquels la politique ne s'accorde pas avec la morale et leurs solutions. Petit a. Lorsqu'un État a promis à l'autre des secours, la cession de quelques provinces, des subsides, etc., on demande si le chef de cet État peut se dédire au cas que le salut de l'État soit compromis en prétendant que sa situation doit être envisagée sous un double point de vue. Tantôt comme souverain, libre de toute responsabilité envers quiconque, tantôt comme premier fonctionnaire de l'État, comptable à ses concitoyens, de sorte qu'il puisse se dégager en cette dernière qualité des engagements pris en la première. On voit tout de suite que si un État ou son chef rendait cette maxime publique, naturellement, tous les autres éviteraient de traiter avec lui ou s'associeraient entre eux pour s'opposer à ses prétentions, ce qui prouve que la politique, avec toute son adresse, renverserait elle-même son but si elle usait de franchise, d'où la conséquence que la maxime en question est injuste. Petit b. Si une puissance s'est rendue formidable par ses accroissements, peut-on admettre qu'elle voudra opprimer les autres par cela seul qu'elle le peut? Et les puissances du second ordre sont-elles, pour cela seul, en droit de se liguer pour l'attaquer, même avant d'avoir reçu aucune offense? Un État qui professerait ouvertement cette maxime ne ferait qu'empirer le mal au lieu de l'étouffer, car la puissance supérieure prendrait les devants. Et l'association des petites puissances n'est qu'un faible roseau, incapable de résister à quiconque entend bien le « divide et impera ». Cette maxime de politique rendue notoire se retire donc nécessairement à elle-même toute efficacité. Par conséquent, elle est injuste. Petit c. Quand un petit État est situé de manière qu'il empêche entre les parties d'un grand État la communication nécessaire à la conservation de celui-ci, le plus grand n'est-il pas autorisé à soumettre l'autre et à se l'incorporer? Il est aisé de s'apercevoir que le grand État dont il s'agit doit bien se garder de tout détruire, cette maxime avant l'exécution. Vous foutre. Car où les petits États formeraient de le foutre contre lui des tout foutre en l'air. Ou d'autres grandes puissances. Ouais, j'avais envie de foutre tout en l'air. La publicité, tout casser. Cette maxime impraticable marque certaines. Rêver de rien. Aussi peut-elle l'être à un très haut degré. Car, quelque petit que soit l'objet d'une injustice, l'injustice elle-même n'en est pas diminuée. Troisièmement, je passe sous silence le droit cosmopolitique, parce qu'il est très aisé d'en formuler et d'en apprécier les maximes, vu son analogie avec le droit des gens. Voilà donc un caractère auquel nous pouvons reconnaître la non-conformité d'une maxime politique avec la morale fondée sur le droit, savoir l'incompatibilité des maximes de droit public avec la publicité. Il s'agit maintenant de connaître les conditions sous lesquelles ces maximes s'accordent avec le droit des gens, car on ne peut pas, en sens inverse, conclure de la notoriété possible d'une maxime à sa justice, puisque, quels que soient les plans formés, on n'a pas besoin de les cacher quand on dispose pour les exécuter d'une force supérieure. La première condition nécessaire pour rendre le droit des gens possible, c'est d'abord l'existence d'un ordre juridique. Or, d'un tel ordre, dans l'état de nature, tout droit est un droit purement privé. Or, nous avons vu plus haut qu'il n'y a pas d'autre état juridique compatible avec la liberté des États que leur association fédérative pour le seul maintien de la paix. L'accord de la politique avec la morale ne peut donc avoir lieu qu'au moyen d'une semblable association, fondée sur les principes rationnels du droit. Toutefois, politique se fonde sur ce fédéralisme légal. Autrement, elle n'est qu'un raffinement d'injustice. Or, cette fausse politique a une casuistique qui peut, pour le nombre et la subtilité des distinctions, rivaliser avec celle des jésuites. Elle a d'abord les restrictions mentales, restrictio mentalis, les équivoques qu'elle s'est glissée adroitement dans les traités publics pour pouvoir ensuite les expliquer à son avantage, comme par exemple la distinction entre le statu quo de fait et le statu quo de droit, le probabilisme, qui forge des intentions hostiles et les attribue aux autres, qui imagine une supériorité vraisemblable du pouvoir et en fait un droit en faveur duquel on peut mener des états paisibles. Enfin, le péché philosophique, peccatum philosophicum, peccatillum bagatelle, qui permet de regarder comme une faute très pardonnable et peut-être même comme un bien pour le genre humain, que les grands états engloutissent les petits. Le prétexte spécieux de toutes ces maximes, c'est la morale elle-même, dont la duplicité politique fait plier les diverses branches à ses fins. La bienveillance est un devoir, aussi bien que le respect pour les droits de l'homme. Mais l'une n'est qu'un devoir conditionnel, tandis que l'autre est absolue et nécessaire. Il faut être assuré de n'avoir en rien manqué au second pour pouvoir se livrer au doux sentiment de la bienveillance. La politique s'accorde aisément avec la morale en tant que celle-ci règle les mœurs et confie les droits des hommes à leurs supérieurs. Mais dès que la morale établit les droits de l'homme, au lieu de se prosterner devant elle comme elle devait le faire, la politique trouve aussitôt à propos de la combattre et de lui disputer toute réalité en réduisant tous les devoirs à la bienveillance. Or, cet artifice d'une politique ténébreuse serait bientôt démasqué par la publicité de ses maximes que les philosophes produiraient au grand jour, si cette politique avait seulement le courage de permettre la publication de leurs principes. Dans cette pensée, je propose un autre principe transcendant et affirmatif du droit public, dont la formule serait la suivante. Toutes les maximes qui, pour produire leur effet, ont besoin de publicité, s'accordent avec la morale et la politique combinées. Car, si en effet ces maximes ne peuvent produire leur effet qu'autant qu'elles sont notoires, il faut qu'elles s'accordent avec le but général du public, avec le bonheur. Par conséquent, elles conviennent à la politique qui s'occupe à imaginer un état de choses dont chacun puisse être content. Et si ce but ne peut être atteint que par la publicité des maximes qu'on propose, c'est-à-dire qu'en écartant d'elle tout sujet de défiance, il faut encore qu'elle soit conforme aux droits du public, seul point de convergence où puissent se rassembler les fins particulières de tous. Je renvoie à une autre occasion le développement de ce principe. J'ajoute seulement qu'il est transcendant, puisque la formule ne renferme rien de matériel, rien qui se rapporte à la doctrine du bonheur et qu'il faille puiser dans l'expérience. Elle ne vise qu'à la forme universelle qui donne force de loi au maxime. S'il est de devoir, si même on peut concevoir l'espérance fondée de réaliser, quoique par des progrès sans fin, le règne du droit public, la paix perpétuelle qui succédera aux trêves, jusqu'ici nommée traité de paix, n'est donc pas une chimère, mais un problème dont le temps, vraisemblablement abrégé par l'accélération de la marche progressive de l'esprit humain, nous promet la solution. Épicure. Maxime capitale. Ce qui est bienheureux et incorruptible n'a pas soi-même dans nous, ni en cause à un autre. De sorte qu'il n'est sujet ni aux colères ni aux faveurs. En effet, tout cela se rencontre dans ce qui est faible. La mort n'a aucun rapport avec nous, car ce qui est dissous est insensible, et ce qui est insensible n'a aucun rapport avec nous. La suppression de tout ce qui est souffrant est la limite de la grandeur des plaisirs. Et là où se trouve ce qui ressent du plaisir, tout le temps qu'il est, là n'est pas ce qui est souffrant, affligé ou détruit. J'aimerais tant me baiser dans le cul, à travers l'anus. Dans la chair. L'anus. Y'a rien à dire là-dessus ! L'anus, purulent, qui sent mauvais, c'est le mien. je vous le présente maintenant dans Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances pour vous ce soir, l'anus purulent. L'anus purulent. L'anus purulent. L'anus. Purulent l'anus. Purulent. L'anus purulent. Purulent l'anus. L'anus purulent. L'anus. Purulent. J'aimerais passer un peu de musique en fond. Ou devrais-je dire en fion ? Mais je ne le dirai pas en fion, je dirai en fond. And the world is full of it. The world is full of shit. L'anus purulent. Thank you. grave à l'erreur. C'est-à-dire qu'il y aura une possibilité de procéder ainsi qu'un jugement qui est correct et vivant. C'est ensuite auquel tu ne rapportes pas chacun de tes actes à la fin de la nature, mais tu te détournes, c'est-à-dire que tu te détournes vers quelque autre chose, tu n'accorderas pas tes actions avec toi. Parmi les désirs, tous ceux qui ne reconduisent pas à la souffrance s'ils ne sont pas comblés, ne sont pas nécessaires. Mais ils correspondent à un appétit que l'on dissipe aisément, quand il semble difficile à assouvir ou susceptible de causer un dommage. Parmi les choses dont la sagesse communique en vue de la félicité de la vie tout entière, de beaucoup la plus importante est la possession de la vie. C'est le même jugement qui nous a donné confiance en montrant qu'il n'y a rien d'éternel, ni même d'une longue durée à redouter, et qui a reconnu que la sécurité de l'amitié, dans cela même qui a une durée limitée, s'accomplit pour qui au fond. Parmi les désirs non nécessaires, les uns sont naturels et non nécessaires. Les autres ne sont ni naturels ni nécessaires, mais proviennent d'une opinion. Parmi les désirs naturels qui ne reconnaissent pas à la souffrance s'ils ne sont pas réalisés, ceux où l'ardeur est intense sont les désirs qui naissent d'une opinion. Et ils ne se dissipent pas, non pas en raison de leur propre nature, mais en raison de la vie d'opinion de l'homme. Le juste de la nature est une garantie de l'utilité qu'il y a à ne pas se causer mutuellement de tort et de ne pas en subir. Pour tous ceux des animaux qui ne pouvaient pas passer des accords sur le fait de ne pas causer de tort, mais également de ne pas en subir, pour cela, rien n'était juste ni injuste. Et il en allait de même pour ceux des peuples qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas passer des accords sur le fait de ne pas causer de tort et de ne pas en subir. La justice n'était pas quelque chose en soi, mais dans les groupements des uns avec les autres, dans quelque lieu que ce soit, à chaque fois, c'était un accord sur le fait de ne pas causer de tort et de ne pas en subir. L'injustice n'est pas un mal en elle-même, mais elle l'est dans la crainte liée au soupçon qu'elle ne puisse rester inaperçue de ceux qui sont chargés de punir de tels actes. Il n'est pas possible que celui qui, en se cachant, commet ce que les hommes se sont mutuellement accordés à ne pas faire, afin de ne pas causer de tort ni en subir, soit certain que cela restera inaperçu, même si à partir de maintenant, cela passe 10 000 fois inaperçu. Car jusqu'à sa disparition, il n'y a nulle évidence que cela continue de rester inaperçu. Considérant ce qui est commun, le juste est le même pour tous. Car c'est quelque chose d'utile dans la communauté mutuelle des hommes. Mais considérant la particularité du pays et toutes les autres causes que l'on veut, il ne s'ensuit pas que la même chose soit juste pour tous. Ce qui confirme son utilité dans les us de la communauté mutuelle des hommes, parmi les choses tenues pour légalement juste, vient occuper la place du juste, que ce soit la même chose pour tous ou non. Mais si l'on établit seulement, sans se conformer à ce qui est utile à la communauté mutuelle des hommes, cela n'a plus la nature du juste. Et même si c'est l'utile conforme au juste qui vient d'en changer, là où, sans que des circonstances extérieures nouvelles soient apparues, dans les actions mêmes, ce qui avait été institué comme juste ne s'adaptait pas à la prénotion. Ce n'était pas juste. En revanche, là où, à la suite de circonstances nouvelles, les mêmes choses établies comme justes n'avaient plus d'utilité, alors, dans ce cas, ces choses avaient été justes lorsqu'elles étaient utiles à la communauté des concitoyens en eux. Et ultérieurement ne l'était plus, lorsqu'elle n'avait pas d'utilité. Celui qui a le mieux aménagé le manque de confiance causé par ce qui est au-dehors, celui-là, c'était un allié de ceux qui pouvaient l'être, et de ceux qui ne pouvaient pas l'être. Il n'a pas fait du moins un ennemi. Mais ce sur quoi il n'avait même pas son pouvoir, il ne s'en est pas mêlé, et il a lutté pour tout ce à propos de quoi il lui était utile de le faire. Tous ceux qui ont pu se pourvoir de la force de la confiance, surtout grâce à leurs proches, ont ainsi aussi vécu les uns avec les autres, avec le plus de plaisir et le mode de vie le plus ferme, parce qu'ils avaient la certitude. Et comme ils en avaient retiré la plus pleine des familiarités, ils ne se sont pas lamentés, comme par pitié, sur la disparition. Léon Tolstoï, tu ne tueras point. Quand on exécute, suivant les formes de la justice des rois, Charles Ier, Louis XVI, Maximilien de Mexique, quand on les égorge lors d'une révolution de peau, Pierre III, Paul Ier, divers sultans, chats et empereurs de Chine, ce sont là des faits qu'on passe généralement sous silence. Mais lorsqu'on les supprime, sur le point d'être. Ces meurtres provoquent parmi les empereurs, les rois, les entourages, l'indignation, la surprise générale, comme si ces souverains eux-mêmes ne participaient pas à des assassinats, n'en profitaient pas, ne les ordonnaient pas. Pourtant, les rois assassinés, même les meilleurs, comme Alexandre II et Albert, étaient auteurs ou complices du meurtre des milliers de milliers d'hommes qui périrent sur les champs de bataille. Quant aux souverains mauvais, c'est par centaines de milliers et par millions qu'ils ont fait périr les hommes. La doctrine du Christ abolit la loi œil pour œil, dent pour dent. Mais les hommes qui professaient toujours cette loi et qui s'y conforment, aujourd'hui encore, l'appliquent dans des proportions effrayantes sous forme de châtiments isolés ou s'exterminent pendant des guerres et ne rendent pas seulement œil pour œil, mais sans aucune provocation ordonnent l'assassinat de milliers d'êtres. Ces hommes n'ont pas le droit de s'indigner. On leur applique cette loi à leur tour. Dans une proportion aussi infime, au contraire, à peine un roi ou un roi sur 100 000, peut-être 1 million d'individus tués par l'ordre. De s'indigner du meurtre d'un Alexandre II ou d'un Albert, les souverains doivent plutôt s'étonner de ce que ces assassinats soient si rares, en raison de l'exemple constant et universel qu'ils en donnent eux-mêmes. Les masses populaires, les peuples populaires, les présidents se préoccupaient constamment de la discipline militaire, des revues, parades et manœuvres auxquelles ils assistent. The world is nigh, near to its end. Le monde est proche de sa fin. Nous ne sommes que de la merde sur la surface d'une crotte qui dérive dans l'univers perdu du vide en spirale pour l'éternité. Et nous mourrons. Alexandre II ou un maire ou un héritier de la Elle est la conquise de l'homme qui s'est passé sur les deux intérieurs de l'homme. En partie parce qu'ils sont abrutis dans la délégation. Il y a un sens. Il y a forcément un sens. France pour les deux. Oui, peu importe. Non, on s'en fout pas, mec. Je suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on change, mec. Tu vas crever dans ta merde. Je dois devoir recommencer à les jardiner dans... Ah, ça explique tout. Je vais mourir comme une merde. Une merde. T'entends? Je veux mourir comme une merde. Une merde. Plouf. Plouf. Plouf. Fais mes adieux à la rate, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et j'espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent de crimes d'abandon de poste qui me reprochaient. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais restée prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Henri Floch. Extrait d'une lettre de Christian Bergesheim, lieutenant dans l'armée allemande, tué sur le front le 20 avril 1917. Il avait 24 ans. 21 mai 1916. À gauche se dessine l'homme mort, et à droite, la colline 304. La position de batterie allemande se situe avant les temps de forge, où commence derrière l'enfer de 304. Je ne dis pas enfer à tort, car c'est ici que commence le royaume des tirs de barrage. Des odeurs de cadavres qui n'ont pas encore pu être enterrés s'élèvent des anciennes tranchées françaises ravagées. Du matériel de grande valeur a été laissé à l'abandon sur tout le chemin, des armes, des munitions, de la nourriture, des masques à gaz, du barbelé, des grenades et autres machines de guerre. Les dernières étendues d'herbe sont déjà bien loin derrière. On ne voit plus qu'un désert entièrement et violemment labouré par les grenades. Les cratères, les uns contre les autres, témoignent de l'horreur des tirs d'artillerie allemands qui nous ont précédés et des actuels tirs de barrage français. Il relèvera bientôt du miracle de traverser ce domaine accidenté. Mais nous y sommes obligés, car c'est le seul chemin vers nos positions arrières, le nerf de vie de la victoire sur le front. Nous sommes en alerte pour être prêts à nous défendre ou à avancer. Pour ce qui en est de dormir ou de manger, ce n'est pas la peine d'y songer. Il faut supporter les privations. La colline elle-même était à l'origine en partie boisée et ne laisse plus paraître que quelques troncs noirs. Il n'y a plus aucune feuille verte ni brin d'herbe. Et malgré tout, dans toute cette horreur, une merveilleuse apparition. Au matin, une alouette chante et des multitudes de hannetons bourdonnent autour de nous et nous rappellent qu'au-delà de cette guerre que nous devons endurer, il y a encore un merveilleux printemps qui, après nous être battus, va encore nous réjouir. Quand vient le vent du nord avec son épouvantable odeur de putréfaction ou avec la puanteur des grenades de soufre et de phosphore, et quand le feu de batterie reprend, nos nerfs sont mis à rude épreuve, ce qui nous déclenche des états de désespoir. Les moments les plus tendus sont à la tombée de la nuit, où l'on redoute le plus une attaque. Le 18 août, tôt le matin, les Français ont attaqué le régiment voisin, mais n'ont pas été vainqueurs. Au soir, nous avons attaqué nos adversaires pour améliorer notre position. Nos adversaires étaient arrivés depuis peu, des soldats algériens qui se sont défendus coriacement. Il fut observé chez les nôtres à tout moment d'éminents exemples de bravoure. Avancement et croix de fer ont été la récompense méritée des braves qui, au mépris de leur vie, ont tout entrepris pour faire honneur à leur patrie pour le maintien de la 304. Lettre de Charles Guinet. Verdun, le 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessée. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir percé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touchée. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je me réveillais 15 jours plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée, pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Comme elle te donne des bois d'or. Imagine. Si son boss, adjudant de l'armée allemande, okay. Il appartenait au 246e régiment d'infanterie. Jusqu'à quelle heure? Blessé au front près de Langy, le 30 juin 1906. Si son boss, lorsque quelle année? Une lettre écrite à sa sœur, le 28 juin 1906. Merci beaucoup pour ta gentille lettre du 23 de ce mois, pour l'argent. Ta lettre m'a vraiment fait très plaisir, et sans vouloir te flatter, tu écris véritablement des lettres très aimantes et très gentilles. J'ajoute que je te comprends si bien que tes gentilles lettres me semblent si parfaitement claires. Je comprends bien que je suis encore de temps à autre un mystère pour ma chère Louise. Je sais très bien que je l'ai déjà été par le passé pour cette âme si bonne et si gentille, et que je le reste parfois encore aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que je me trouve réellement dans une situation très difficile. Je sais, j'aime Louise. Je la vénère et j'ai la plus grande considération pour elle. Je pense aussi qu'elle pourrait un jour devenir très facilement ma charmante petite épouse. Mais faut-il donner dès maintenant sa parole en ces temps obscurs? Puis-je le faire? Dois-je le faire? Que de changements peuvent encore advenir. Dès demain, je peux me faire estropier. Une balle peut me rendre infirme. Et qu'adviendrait-il? Ai-je le droit de demander à ma noble et bonne Louisette de me prendre pour époux dans de telles conditions? Que lui apporterait dans ce cas le mariage? Non, jamais. Bien sûr, ce serait peut-être très agréable pour moi, mais jamais je ne pourrais me faire à cette idée. Ma conception du mariage est si élevée que je m'en effraie presque. Je suis si déprimée. Ma chère Louise ne m'a pas écrit depuis 4 jours. Si elle savait à quel point j'attends son courrier, et demain soir on monte aux tranchées. Qui sait si je reverrai jamais sa chère écriture? Je suis très déprimée. De toute ma vie, je ne l'ai jamais été autant. Il y a quelque chose dans l'air. Je le sens venir. Je me donne du courage en me disant, tu es soldat, et tant que tu es soldat, tu es encore soldat. Nous vivons une grande époque. Chacun remplit son devoir jusqu'à la dernière extrémité. Je suis conscient. Mais Mélanie, ma tendre et fidèle sœur, je te le dis à toi seul, je ne suis plus le même soldat qu'avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être le devineras-tu plus facilement que je ne pourrais te le dire. Où est passé le patriotisme ardent, le grand enthousiasme de 14? Où que je tourne mes regards, je n'en vois plus de traces, et je connais des gens parmi tous les grades, même les plus élevés, et ces réflexions me rendent très nerveux. Je ne supporte plus cette maudite artillerie. Il faut que je me maîtrise et que je fasse un effort sur moi-même pour rester un exemple pour mes hommes. Que nous réserve encore cette époque? Ce soir, j'ai eu pour la première fois une conversation avec mes deux hôtesses. Elles disaient, entre autres choses, qu'elles priaient quotidiennement leur Dieu pour que la guerre s'arrête bientôt. Et elles m'ont demandé si je le faisais aussi. Je ne leur ai rien répondu. Elles m'ont dit alors, la guerre, grand malheur. Leurs maris, tous les deux au front, pas de lettres, pas de journaux, pas de pain, pas de charbon, etc. Dépendant de l'Allemagne pour tout. Je pourrais t'en raconter aujourd'hui beaucoup plus. Mais 8 pages déjà, ça précise. C'est déjà beaucoup trop pour une guerre si dure et si froide. Demeure encore à l'avenir comme tu le fus jusqu'à présent, ma bonne et fidèle petite sœur. Et laisse-toi embrasser de tout son cœur par ton petit frère fidèle et reconnaissant. Oui. Les premiers blessés sont à portée. Il en arrive de toutes parts. Tout est occupé jusqu'au moindre recoin. C'est l'engouffrement par toutes les ouvertures, par toutes les fissures de ces pauvres poilus qui tombent dans nos bras, hébétés, hagards. Les yeux fichés par l'horreur de ce qu'ils ont vu et les traits contractés par la douleur et les troubles, souffrances surhumaines qu'ils éprouvent. L'un, entre autres, est dans un état pitoyable de prostration et d'anéantissement, sentant l'urine et les matières fécales et dégageant une odeur de cadavre. Ce pauvre diable, blessé par les éclats d'obus qui lui ont broyé la cuisse, est resté pendant 2 jours à moitié enfoui dans le trou que l'obus meurtrier avait creusé contre le cadavre d'un de ses camarades, tué à côté de lui. J'ai vu là des soldats couverts d'une telle quantité de poux que les différentes parties des pansements en étaient envahies jusqu'aux plaies. C'était une vraie boucherie, pleine de sang et de râles. Près d'une bougie, l'aumônier, les mains pleines de sang, n'arrête pas de panser les blessures. Je dors debout, du moins je somnole. Je vis comme un automate. Mon blessé pousse des cris horribles. Et d'autres encore alignés le long du mur, prêts à être évacués, hurlent comme des forcenés. Les cris de souffrance nous masquent une canonnade formidable. Les morts sont entassés pêle-mêle les uns sur les autres comme des choses devenues sans intérêt. Puis allongés par terre, côte à côte et soigneusement ensevelis dans leur linceul, les pieds joints, les mains croisées sur la poitrine, quand ils possèdent encore des mains et des pieds. La soupe. Nous sommes mal ravitaillés. La gale Touze est bien vide. Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n'avons même plus de sèche. Pour nous réconforter, parfois encore un peu de jus et une rasade de casse-pâte pour nous réchauffer. Partons au combat à l'épingle, à chapeau ou fusil. Il est difficile de se mouvoir, coiffé d'un casque en tôle d'acier lourd et incommode, mais qui protège des ricochets, et encombré de tout l'attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des offensives à outrance, qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Les malheureux estropiés que le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras, d'une jambe en main? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer, et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès boisées étaient rudes. Perdu dans le brouillard, le fusil à l'épaule, j'errais, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés. Une haine terrible s'emparant de moi. Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. Tous les combattants désespèrent de l'existence. Beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer, mais pas de défendre. Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamnée à passer un conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillée pour l'exemple, demain, avec 6 de mes camarades, pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront. Comprendras-tu, Léonie chérie, que je ne suis pas coupable, mais victime d'une justice expéditive. Je vais finir dans la fosse commune des morts honteux, oubliés de l'histoire. Je ne mourrai pas au front, mais les yeux bandés, à l'aube, agenouillés devant le peloton d'exécution. Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste fin vient infliger. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandirait sans moi. Concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie. Mais aujourd'hui, vous laissez seules, toutes les deux me brisent le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Promets-moi, mon amour, de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille. Parle-lui de la bravoure et la vaillance des soldats. Et si un jour la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilitée, mais je n'y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre. Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage, car la France nous a trahis et la France va nous sacrifier. Promets-moi aussi, ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie. Ma mort sera ainsi moins cruelle. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages gravés dans ma mémoire seront mon dernier réconfort avant la fin. Eugène, ton mari qui t'aime tant. Le 11 novembre 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, les hostilités prennent fin après 51 mois de guerre. À Paris, 1200 coups de canon sont tirés. La sonnerie de l'armistice retentit sur l'ensemble du front alors que les cloches sonnent dans toute la France. À 10h50, 10 minutes avant que le clairon ne sonne du cessez-le-feu, l'agent de liaison Auguste Trébuchon, appartenant à la 163e division d'infanterie, est tué par une balle alors qu'il portait un ordre concernant le rassemblement de son régiment. dernier mort français de la Grande Guerre venait de tomber. Qui se venge plus justement que vous? La crainte frémit des soudaines rencontres. Le menaçante pour ce corps. Elle veille à sa sécurité. Mais pour vous, est-il rien d'étrange? Rien de soudain? Qui vous sépare de ce que vous aimez? Hors de vous, où est la constante sécurité? La tristesse se consume dans la perte des jouissances passionnées parce qu'elle voudrait qu'il lui fût aussi impossible qu'à vous de rien perdre. Au revoir, beauté glaciale. Et sinon, JP, c'était. Jacques Prévert. Le texte que j'ai lu, c'était Jacques Prévert. Et toutefois, JP. En vous imitant ainsi, il montre que vous êtes le créateur de l'univers et que vous ne laissez aucune place que vous puissiez se retirer entièrement. Mais moi, qu'ai-je donc aimé dans ce larcin? Qu'ai-je donc imité vous, faux criminel imitateur? Ai-je pris plaisir à enfreindre la loi par la ruse, à défaut de la puissance? Et sous les liens de la servitude, affectant une liberté boiteuse, ai-je trouvé dans la faculté de violer impunément la justice une ténébreuse image de la toute-puissance? C'est l'esclavage qui fut son maître et n'atteint plus l'autre. Ô corruption, ô monstre de vie, ô abîme de mort, ce qui était illicite a pu me plaire, par cela seul qu'il était illicite. Chapitre 8, ce qu'il avait aimé dans son récit. Un dire en or avec une montre de Conteuil. Une reine de peine avec un homme d'Angleterre. Et des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer. Un hussard de la farce avec un danon de la mort. Un serpent à café avec un moulin à lunettes. Un chasseur de cornes avec un danseur de tête. Un maréchal d'écume avec une pipe en retraite. Un maréchal en habit noir avec un gentleman au maillot. Un compositeur de potence avec un gibier de musique. Un ramasseur de conscience avec un directeur de mégots. Un repasseur de Coligny avec un amiral de ciseaux. Une petite cour du Bengale avec un tigre. C'était un rire malin de Saint-Vincent de Paul. Pourquoi donc un professeur de porcelaine avec un recommandeur de philosophie. Un contrôleur de la table ronde avec des chevaliers de la compagnie du gaz de Paris. Un canard à Sainte-Hélène avec un Napoléon à l'orange. Un conservateur de Samothrace avec une victoire de cimetière. Un remorqueur de familles nombreuses avec un père de haute mère. Un membre de la prostate avec une hypertrophie de l'Académie française. Un gros cheval, une partie bus. Avec un grand évêque chapitre 10. De cirque. L'âme ne peut trouver son repos dans les créatures. Un contrôleur de la croix de bois Dieu des vertus. Avec un chanteur d'autobus. Montrez-nous votre face et nous serons. Un chirurgien terrible avec un enfant dentiste. Et le général des huîtres avec un ouvreur de jésuites. Mais il ne serait rien. Ses beautés qui se lèvent et se en se levant, elle commence à pour atteindre leur perfection. Spécial dédicace à François. Elle ses mains, car tout vieillit et tout meurt. Dans les ruines d'une cathédrale, elle tend à être. Un boucher pleure afin d'être, plus elle comme un veau de n'être plus. À cause de la mort de leur existence, d'un oiseau. Voilà la part que vous leur avez faite. Et couchés sur les dalles craquelées, une cloche écroulée et fêlée, pas ainsi que notre discours s'accomplit par les signes et les sons. Jamais il n'existera en totalité si chaque parole ne passe après avoir prononcé son rôle. On dirait un gros prêtre obscène. Que mon âme vous loue de dont le vent soulève la soutane. Mais qu'elle n'y demeure point attachée. Et dans la sacristie en muette. Trois ou quatre drôles en casquette font la quête. À l'occasion du mariage du ciel et de l'enfer, aussi en l'honneur de la Révolution française et même de la mort de Louis XVI, et même le garçon d'honneur s'appelle William Blake, mais il garde son chapeau sur la tête. Parce que le Saint-Esprit, la contradiction, toujours un wick, un doux sourire, ses oiseaux répondent non. Et à la fin de la noce, William Blake on fera cadeau au boucher. À la fin de la noce, William Blake en fera cadeau au boucher. Il oubliera défunt son perroquet et s'en retournera tuer les bêtes avec un gros maillet. Nous ne sommes pas un oiseau prêt. Où l'amour n'est pas renoncé. Quand tu les pense avec un tournevis William mouillé. Blake, tout en pensant à autre chose. William Blake, c'est moi. C'est-à-dire à rien d'autre qu'à regarder une éblouissante fille invitée à la noce, on ne sait pas par qui. T'es où ? Et qui est-ce, la très belle et aussi nue que lui, une beauté. Pense, William, une beauté d'un calme éclatant, pur comme le vin rouge, comme le vin rouge, et innocente, innocente comme le printemps. Et il la regarde parce qu'il a envie d'elle. Elle le regarde. Le regarde aussi parce qu'elle est, parce que peut-être, elle aussi, elle a envie de lui. C'est alors qu'arrive avec son petit orgue un grand canard de barbarie. Et il joue un air de tous les temps, de tous les pays. Et la noce commence, précise William Blake. Car il y a des choses qui sont si mal dites et si mal proprement. C'est pour la messe. Vous dites ça. Demande vieil homme à tête de prophète ou d'évêque et qui a l'air très contrarié. Mais William Blake est un gentleman, un homme gentil comme on dit en Angleterre. Et il n'a pas du tout envie de discuter avec un évêque le jour du mariage du ciel et de l'enfer. Et aussi, qui sait peut-être, par la même occasion, le jour de ses propres noces. Vous avez écouté Canal Sud, 92.2 FM, et vous l'écoutez encore. Par contre, ce fut une nuisance. Nuisance. Tu ne lui déplaises. L'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens.